Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. Ouais, la France d'antan. La France qu'on a aimée, la France qu'on veut retrouver. La baguette sous le bras, le chapeau en berne. Et bonjour, t'es pas de berne. Le chapeau en berne. Oui. Ok, un béret, tu voulais dire. Ouais. Comme ça. Ah oui, okay. Il en berne, il fait la gueule. Parce que j'avais effectivement fait un nouveau générique rien que pour toi. Ah ouais, fais voir. Bah, je te le fais. C'est le Floodcast, le super podcast. Avec Jonathan Cohen, Sénégal La Flamme. Dans un film réalisé par Quentin Dupieux, c'est le multiverse ou quoi? Référence au flambeau. Il joue Dali avec plein d'autres mecs qui ont tous refusé de faire le Floodcast. Exceptionnel. Gilles Lelouch a dit non. Non. Édouard Baird a dit non. Non, non. Que Marmaille prépare une potion. Coup de dague. Mais heureusement, il y a Jojo. Oh. Jonathan Cohen. L'acteur génial. Jonathan Cohen. C'est moi, ouais. Les mythos, la sentinelle. Jonathan Cohen. C'est une descente de police. Jonathan Cohen. On est très heureux de t'avoir. C'est Jonathan Cohen. Ah, bravo. Ah, oh, putain. Il y a tout dedans, il n'y a même plus besoin de faire le podcast, il y a tout. Il y a et l'actu, il y a la vérité, t'as tout dit. Bah, c'est un single à ta gloire en fait. C'est génial. Putain, pas que, il y a aussi des petits coups de gueule contre les gens qui ont dit non. Bah, voilà, sous couvert d'humour, on la connaît là le venin là, de l'autre. C'est BFM. On lui refuse un jour, 20 ans après, il fait ah, tu te souviens, tu m'as refusé. L'heure des moi j'ai rien oublié, moi j'ai rien oublié. Moi j'oublie rien, moi. Hein. Je crois que j'ai. Comment on appelle ça? Alzheimer. Hypermnésique. Alzheimer, il a dit. Hypermnésique, bravo. Ah oui, c'est ça le jeu. Ramène un peu de. Culture. Terre à terre. Non, mais de terre à terre. Content de voir Méniel, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Toi, je t'ai vu la semaine dernière. On s'est fait une petite mais Méniel, je suis très content de le voir. Ça fait longtemps que j'avais pas vu. Vous avez serré la main deux fois. Et deux fois, t'as dit que ça fait longtemps que j'avais pas vu. C'est vrai. Ouais, ça doit être un truc pavlovien, je sais pas. Oh, pavlovien. Ça serre la main. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Oh putain, ouais, c'est Pavlov. Il est là dans avec nous. Coucou, du Pavlov. Ding ding ding. Oh, j'ai faim. Alors pour tous ceux qui ont la ref, c'est une poilade. Hein. Pour ceux qui l'ont pas, sorry. Ouvrez des bouquins les manos. Donc oui, c'est un podcast. On est avec Jonathan, on est ravis de t'avoir Jonathan. Et comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. Mais après, il y aura une deuxième partie jeu parce que tu viens pour nous présenter un film. Dali. Fais Dali. Fais Dali, s'il te plaît. Alors, on y joue les coco. Attends, n'en donne pas trop. Faut que les gens aillent voir le jeu. Mais là, il fait la denrée dans la soupe au chou. Oui, c'est ça. La denrée. Oh, je l'ai revu il y a pas longtemps. Mais je sais. Ah, bah oui, ça reste un chef-d'œuvre ou ça reste il a vieilli le film. De toute façon, il est vieux. Hein. En vrai, il était. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis dit. Ça te dérange pas si je fume. Vas-y, éclate-toi. Non, mais c'est marrant parce qu'en voyant la soupe aux choux, je me suis dit. Même Dupieux, devant le film, dirait. Non, mais là, voilà. Ça n'a aucun sens. Là. Il pète, il y a des extraterrestres qui atterrissent dans le truc. Quelle idée de génie. N'importe quoi. Quelle idée de génie de mec bourré de l'époque. Ouais. C'est un bouquin à la base. Oui, d'Alphonse Boudard. Je te jure, ouais, c'est un bouquin. C'est un vrai. Oui, d'Alphonse Boudard. C'est un bouquin. Et à l'époque, c'est la gueule, les gens disaient non, mais complètement dénaturé le bouquin. Hein, vous n'avez pas lu Story. Tu m'étonnes qu'ils n'ont pas lu Story. Mais est-ce qu'on faisait des meilleures histoires avant de lire Story en France? Wow. Ah. Parce qu'après, il y a eu toute la série d'histoires après Story où tout le monde a fait des structures américaines. Pour et dire après, aux gens, Story, c'est un livre de scénario, effectivement, avec des structures. C'est beaucoup trop gros. Il est gros, ouais. Mais il y a trop. Des trucs intéressants. Moi j'avais fait le stage. Hein. Ah oui. Ah oui. J'avais payé. Il fait cher. Ouais. pour un gars dont je comprenais rien ce qu'il disait parce qu'il parlait en anglais. And you know, and the first Super Shooks. The Super Shooks, he fought. aliens come. Brilliant. Wow, il m'explique la Super Shooks. C'est génial que le masterclass, il parle que de la Super Shooks. Mais dans les bouquins de scénario, des fois, t'as ça, ils te prennent des exemples et de temps en temps, ils te mettent un film français, mais tu sens qu'ils l'ont pas trop vu. Ils vont parler un peu à Worldwide. Après, c'est rarement la Super Shooks, le film français. Le film est rarement la Super Shooks. Pour le scénar. Donc oui, le jeu du Floodcast, des petites questions comme ça. Et donc je disais, dans la deuxième partie, on fera un jeu autour de Dali, car tu viens nous présenter Dali de Quentin Dupieux. Alors tout d'abord, tu peux me poser toutes les questions sur Dali, je pense que je peux y répondre. Ah oui, t'as bossé. Quel est son prénom? Oui, quand même. Oh, oui, son prénom. Celui-là. Eric. Eric Dali. Eric Dali. Salvador. Un spa d'un nouveau genre va ouvrir à Paris. Je vous demande son concept. Ah, ça n'a rien à voir avec Dali, là. D'abord, c'est les news du Floodcast. Ok, d'accord. Non, mais c'est sûr. Ah oui. Après, si tu peux le relier à Dali, c'est très fort. Je vais essayer parce que je crois qu'il est ouvert un spa. Ne spoil pas tout le film, Jonathan. Ok, pardon. Un spa d'un nouveau genre. Un spa où un peu insolite, un peu bizarre. Tu peux amener ton ordi, c'est un spa coworking. Non, quel enfer. Ouais. De plus en plus d'espaces de coworking à Paris. Je sais pas si c'est le cas dans toutes les villes. J'ai rien. Non, est-ce que c'est la tenue que tu portes qui est particulière? Non. Est-ce que c'est c'est un spa où tu peux venir avec tes animaux? Non. C'est un spa où tu peux regarder des films? Alors non. Oh. Mais là vous êtes dans un truc de... Attends, j'ai pas raison. Ok, t'as raison. Okay, bah. Excusez-moi. Je suis l'invité. Je vous rappelle, l'invité a toujours raison. C'est un spa où on peut regarder des films. Bravo Jojo. Voilà. Jeu cocktail. Ça, tu pourrais sortir ta marque d'alcool. Mais ça, oui, Jonathan Cocktail. Non, mais par cocktail. Contre, voilà, on dit quelque chose maintenant, on le fait. On n'avait pas dit plein de choses ici, on l'a jamais fait. Il y avait le podcast, c'était quoi déjà? Les petits démons de. Non, c'était pas. Oui, les petits démons. Bah voilà, déjà ça, faut le faire. Toujours pas et de nous. Ça prend 10 minutes. si on fait Joe Cocktail, on le lance, on le fait. Le Jonathan Cocktail, avec il y a le Rosé Garcia déjà. C'est vrai. Le Jonathan Cocktail. Joe Cocktail ou Jonathan Cocktail? Moi, Jonathan Cocktail, je pense. Mais en vrai, musicalement, c'est plus beau. Jonathan Cocktail. Moi, je dis Jonathan Cocktail, mais tout le monde dira Joe Cocktail. Pour faire plus court. Et est-ce que tu cocktail, crois que c'est un alcool en particulier ou c'est carrément une bouteille avec le cocktail tout entier comme Mister Cocktail? C'est dégueulasse. Non, mais... nous on bave. Hein. Et tant pis pour les répercussions. Je m'en fous, j'ai rien à foutre. On touchera pas de thunes de Monsieur Cocktail. De Mister Cocktail, cocktail. Oui. Mais ouais. Tu peux l'appeler Monsieur, toi, tu le prends. Non, mais c'est parce que c'est le sketch du Palma Show. Il avait joué j'incarne Monsieur Cocktail et voilà. Waouh, la boucle. Non, mais tout est. Mais Jonathan Cocktail, je sais pas, ça fait cheap un peu une bouteille. Genre avec un cocktail tout fait quoi. Ouais. Donc faudrait que ce soit un cocktail du coup. Ouais, un cocktail dans une recette, un bar un peu quoi. Stylé ouais. Vous pouvez me servir. Non, ça serait mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Faut on élabore la enfin ou toi la tout recette, seul la si recette. Tu nous as expliqué. Je vais essayer. Non, je vais pas. Moi c'est une famille hein, le bise. Élaborer une recette. Ouais, et à la fin on la met faut le flamber à la fin, la flamme le flambeau. Oh, lui il a des idées de com. Non mais, non, mais lui il est très fort. Ouais, il est fort. Attends, t'as vu la musique qu'il a fait là? Ah ouais. C'est la com qu'il a fait toute seule. Non, c'est une IA bien sûr. C'est une IA. Ouais, c'est terrible. C'est-à-dire qu'une IA t'écrit les paroles, tu lui dis le style musical et te génère. Je ce que t'as entendu. Croire que ça m'a fait rire. Bah oui c'est drôle les IA. Après il a écrit les paroles. J'ai écrit les paroles. Oui. Si. Alors là. Ah bah moi les droits d'auteur. Attendez, c'est moi qui ai écrit. Cela dit, toi t'avais eu une mésaventure un peu avec une IA. Parce que je me souviens. La pub là, le truc. Non, c'était pas une pub, c'était Brut qui avait fait un reportage. Oui. Ah oui. Et je me souviens, j'avais regardé un texto, genre, ah, t'as vu, il fait. Je n'étais pas du tout au courant. Déjà, j'étais pas au courant. Et en plus de ça, c'est flippant, sa mère. ça fait flipper. Ça peut te faire dire tout, n'importe quoi, dans n'importe quelle langue. Tu es sûr de bad buzzer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, même en Chine. Oh là, attention, attention, c'est une IA. Oui, je bloque. C'est une IA, attention, il a raison. C'est pas moi, hein. Ah non, c'est une IA. Ah non, jamais je me serais permis. Mais alors, tu faisais Dali, en vrai. Je faisais Dali. Ah non, la Chine. Et donc, mon spa. Mon petit spa. Non, attends, c'était quoi le truc qu'il disait, Dali? Le cosmique. C'était quoi le truc? Il y avait un truc qui disait non? Il disait Nanana cosmique. Mais il faisait ça tout le temps. Il fait, je suis anarchiste. Et attends, mon anarchiste. Ah oui. Attends. Non. Bon, on s'en fout, tu couperas ça. Non, ouais. Un ventre mou, c'est un ventre mou. Non, bon, écoute. On adore, les gens adorent les ventres. Les gens adorent les ventres. Ah, bah, ils vont m'adorer à poil alors. Il y a que du ventre mou. À poil, dans un spa par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce spa? C'est un spa. Est-ce que c'est les gens avec qui tu peux venir qui sont? Non, c'est le type de bienfait que ça te fait. Ah ouais? Ça te fait dormir. Non. Ça te fait chier. Est-ce que tu peux changer? Non, mais c'est genre ça, une purge quoi. Okay, moi, non, je viens d'arriver. J'ai pas pris mon café. Bah, attends, il y a encore plein. Hein. Non, mais tu sais, c'est un peu, ça peut être des spas purges quoi. Non, non, non. Genre, ils te font un lavement. Est-ce ou... que tu changes le sang, des trucs comme non, ça? Non, non, non, non. C'est beaucoup. Tu changes quelque chose. Non, tu changes. Changer les choses avec des bouquets de roses, par exemple. Non, non. Oh, c'est quoi ça déjà? Changer les choses avec... changer les hommes avec des géraniums. Alors que ça marche pas, on peut changer personne avec des fleurs. Avec des bouquets de roses. Qui chante ça? Voulzy. Ah. Et les enfoiros aussi après qui l'ont, repris, qui l'ont propulsé quoi. Qui l'ont mis sur orbite. Qui l'ont fait percer. Ils ont fait percer vous pour moi. Vous le dire, hein, c'était pas connu. Hein. Donc c'est un type de truc que tu te mets sur le corps. Là tu te toins, tu peux toindre. T'en as marre. Non, je... des énormes indices que non, tu je... nous. Genre du miel. Pas du miel. C'est un truc. On peut manger cette chose ou on peut on juste. On peut la consommer. Du CBD sur le corps? Pas du CBD sur le corps. Oh, je suis allé à Amsterdam ce week-end. Bah oui, Fons Carman. J'étais bien des Fons Man. J'ai une photo, oh, oui. Il a rentre de. Tu de... Pas du tout, pas que plus. Amsterdam. Ah ouais? Que ah, Amsterdam. Il a ses pays, là. Ouais, non, c'est une fois par an. Une fois par an, je vais à Amsterdam et je dis, bon, c'est légal, pourquoi pas? Sympa. Il m'est arrivé un truc très gênant. Enfin, gênant, je sais pas. Donc, je fume, je suis un peu défoncé. Et là, je reçois un coup de fil de l'attaché de presse de Noulay-le-Roi qui dit: oh, il y a eu la Projo Presse, il y a des retours, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et là, défoncé, j'ai eu une montée de panique. Ah, merde. Parce que déjà, pas défoncé, je t'ai vu. Oui, oui, oui. En vrai, c'est très paniquant, gars. Il a dû chier dans son ben là-bas. Là, à l'Alpe d'Huez. Il était sur son téléphone. Salut. Les gens voient pas, mais c'est la tête, c'est sa tête. Non, mais fait, il était sur son téléphone à regarder s'il y avait eu des reviews, des notes et tout sur son film. Un sale fou pour moi. Bébé, donnez-moi un biberon. Oh, je veux la tête. T'es un gorille maintenant ou quoi? C'est vrai que j'ai un gorille rouge. Mais donc, du coup. On en a rien à branler. Oh non, il mange dans le micro. Il mange volontairement dans le micro, ils sont fous. Mais c'est. T'es un fantasque comme Dali en fait, toi. Ouais, mais moi, bon, Dali le ferait. Dali, il mange dans le micro. On mange les gâteaux dans il le micro. Il est interdit de manger, grand maître, dans le micro. Confiserie, eh bien, comme on l'empêche. Miam, miam, miam, miam, miam. Est-ce que c'est un truc naturel, genre ouais, comme le miel ou un ah, truc je sais comme pas ça? Naturel. Est-ce que c'est du thé? C'est pas du thé, mais on s'approche. Ah, ah, tu vois celui-là. Un petit café qui fume. Et un petit café qui fume. Il fume dans le café. Et c'est délicieux. Un arabica, un robusta, un décaféiné. Oh, oh là là, putain, mais travaille chez Nespresso, toi. T'es talent dingue, toi. On essaie de choper. Talent dingue. Là, c'est pas une IA, hein. Attends. Non, là, c'est, non, non, là, c'est un humain, lui. C'est tu ah vois, ouais. Ça, tu peux pas le remplacer. Je défie une IA de faire au pareil. Très facile, je pense, malheureusement. Malheureusement. Qu'on me l'amène, l'IA qui peut le remplacer. Qu'on me l'amène, l'IA qui peut faire tous les cafés. Comme malheureusement, je pense qu'on peut le faire vraiment en live et ça sera le même résultat. Vous avez fait pour l'instant des fights IA contre humains? C'est-à-dire? Non. C'est-à-dire dans je la pense rue que vous devriez faire des petites compètes IA contre humains au Floodcast. Ah. Sur des vannes, des trucs. Je vous donne des trucs. Non, non, mais on prend. Ouais. Non, mais on peut. Non, les gens attendent ça, les gens parlent. T'en as entendu parler un petit peu sur les réseaux? Oui. Ah, ok. D'accord. Mais en plusieurs langues. Permis. Mais c'était toi qu'on parlait et en plusieurs langues. Ouais. C'était bizarre. Bravo, brut. Ah, j'ai dit un truc sur les IA, là, pas mal. Bon, pas du café donc. Non, un petit peu plus festif. Oh, du ah vin. Oui, bah pardon. Du vin. On s'approche. De la bière. Très bonne réponse. Un spa à la Binouze. Oh là là. Jamais on y va. Bah, j'entends. Ça s'appelle le Hellfest pour ouais, moi. C'est vrai. C'est horrible. Tu schlingos. Je vais vous en parler. Oh là là. Cette adresse nichée dans une galerie marchande est sobrement utilisée, intitulée. C'est pardon. Où pardon? En Allemagne? Non, c'est en France, c'est en France. Oh là là. C'est à Paris. Oh non. La Beer Spa Paris vous invite à découvrir les bienfaits du houblon, du malt et de la levure de bière sur la peau, ainsi que les ongles ou encore les cheveux. Et non. Oui, on prête entre autres à ces ingrédients des vertus adoucissantes et hydratantes. Ils contribueraient également à la réduction du stress. Je vous l'apprends. Bah t'es bourré. Bah oui, c'est ça. Bah, évidemment. Je suis plutôt stressé. Et donc, c'est le... je vous fais le grand massage à la Heineken. Oh bah go. Tes gueules. C'est quand même gâché de la mettre sur le corps. Faudrait pas te la mettre dedans là, glou glou glou. Ah non, on a que des gens bourrés. Je suis Dali. Dali, il va dans le glou glou. Je sais pas si c'est la meilleure ou la pire promo pour le film. Dali. Attendez, moi je pense que c'est mieux. Moi je suis chez mes copains. On rigole. Ouais. Je bouffe. Non, attends, des trucs merveilleux. Attention, t'as vu, j'en ai bouffé 3 sur 3. Mais c'est pour toi, moi je viens de m'en enfiler en entier. C'est que pour toi, moi je les toucherai pas. J'en m'en suis enfilé en entier juste avant de venir, car Florent était en retard. Oui, alors écoutez, un petit rendez-vous. Oui, Florent est toujours en retard. Pas toujours, ah non, non, je suis pas d'accord. Pas toujours, mais je suis content quand même que. Parce que Florent il aime bien dire que moi je suis toujours en retard. Oh là là, je suis quand même arrivé. Oh, je vais prendre un petit carton. Tu vois le karma, voilà. Et sachant que là il est en retard alors que c'est chez lui. Ce qui est fort, et moi je suis arrivé une heure à l'avance. J'avais un rendez-vous. Je me suis trompé. J'avais un rendez-vous, je peux pas tout vous dire, mais j'avais un rendez-vous. Par rapport à une œuvre en particulier. Nous les Leroy, le 10 avril. On parlera des Leroy avant la fin. Dans ces bains à remous, on retrouve une eau chauffée entre 30 et 36 degrés, enrichie de houblon, malt et levure de bière. C'est énorme, non 36 degrés c'est Non, je m'en rends pas compte. Non, mais c'est un jacuzzi quoi. Ouais, un jacuzman. Bah ouais. Il est possible de personnaliser son expérience. Jacuzzi cocktail. Non, c'est trop. Jacuzzi Cohen. Jacuzzi Cohen. Jonathan Cohen. Je vais boire un Jonathan cocktail dans le jacuzzi Cohen. Oh là là, tant de business pour mais Jojo. Mais en vrai, on part sur du cocktail. Mais il a raison, ouvrons un spa. Un Joe spa. Un Joe spa. Avec que des Joe activités, des Joe massages. Des Joe... Non. C'est comment tu qualifierais un Joe massage Joe... c'est comment tu le définirais un petit Joe massage. Oh là là, putain. Ça, c'est alors. Oh, il est sexy. Voix, en fait. Ouais, il est sexy. Voix, sexy. Oui, mais il est un peu sexy. Alors, ça va, c'est pas trop dur. Oh non, putain, tout pète. Tout pète. Non, y a pas, je ne sais pas le faire. Mais faites-le. Bah non, bah ok, on le fera. Un jeu massage, on trouvera alors, il faut que vous sachiez qu'évidemment, on le disait en blague, mais en plus des bains, vous pouvez. À Glouglouglou, il y a des tireuses bien qui sont sûr, mises à l'émission pour déguster sa pinte tout en chillant dans son bain. Oh. Cet espace est également équipé de douches et de mobilier gonflable pour se prélasser entre deux bains. Quand il y a du mobilier gonflable, c'est très mauvais signe. Ouais. Ça donne pas du tout envie. Ça donne pas du tout envie. Mobilier gonflable. Ouais, ça ramène à Jiffy, ça ramène à la farfouille. On n'a pas envie. Non. Non, puis ce qui est terrible, c'est que le genre de personne qui aurait envie d'aller là. C'est le genre de personne qui prend pas beaucoup de douche, je pense. Donc ça doit être horrible de la vieille. Ou une personne qui veut tester un truc un peu à la mode, un peu fancy. Non, des gros pains, des dégueulasses. Oui, il a raison. Mais c'est une très bonne pub que tu leur fais là, du coup. Non, parce qu'on dit que c'est nul. Hein. Ouais, vraiment. Les gars, ils ont rien demandé. Et ils se retrouvent avec la pire pub. C'est un endroit pour les clodos. Oh non. Et ben voilà, on a perdu 4 points. Écoutez. Sur TripAdvisor. Carlito va mettre un petit. Je vais mettre son avis. Encore une référence à Joe Cocktail. Ah oui, c'est vrai. Carlito, vous le voyez. Enfin, toi, bah oui, je le vois. Je le vois vendredi là. Bah tu l'embrasses. Bah, je l'embrasserai. Embrassez-vous. Franchement, je suis. David, tu n'as pas besoin. Ok. Vous connaissez bien. Je lui ferai une petite tape sur l'épaule. Un petit peu. Si je peux me permettre. Sur la nuque, une petite frottage de nuque. Ouais. Est-ce que ça prend soin de son corps ici, Adrien? Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui dit que tu prendrais soin de ton corps? Écoute, oui, plutôt. Enfin, je suis pas. Parce que moi, je me suis baladé avec Adrien récemment, non, bah... et qu'est-ce que j'ai découvert? Il achète des petites bombes à bain, des petites loches là. Mais il a toujours été un peu dans le détail. Mais c'est vrai. Toujours été dans les petits détails. Non, mais ça, c'est plus de la. C'est, je dois prendre deux bains par an. Bon, bah, quitte à prendre un bain, tu te mets une petite. Soit un petit bain moussant, soit une bombe de bain, pas mal quoi, non, tu vois, voilà, pour améliorer. Il voit les choses en grand. Ouais, il voit les choses en grand. Quand il fait large. Oui, c'est pas genre juste prends un bain. Ah, non, j'aime bien explorer, moi. Il y a des bougies, Non, mais toi, t'as de la bougie. T'as des senteurs, t'as des trucs comme ça. J'ai vu des posts où tu dis, oh, regardez mon petit encens, mon truc. Ah non, l'encens, ça c'est lui l'encens. Moi, je déteste l'encens. Il m'engueule quand il y a de l'encens dans cet appartement, il m'engueule. Oui, mais c'est parce que. Il me tape sur la tête avec un petit carton comme dans les amours. Parce que tu mets de l'encens quand ça fait 3 jours que t'es là sans te doucher et que ça daube et tu mets l'encens pour couvrir l'odeur. Oh là là, il me traîne dans la bouche, ouais. Là. Je vais aller au spa à bière. Oh là, j'aime pas qu'on fasse ça. Non, donc, oui, vite fait. Oui. Bah, en fait, moi, je suis obligé de prendre soin de ma peau parce qu'elle est, très fragile. Dégueulasse, ouais. pas le terme que j'aurais. Mais après, moi, la spontanéité. Il y a un plat, tu viens de mettre tes deux putains de pieds dedans. Bah, j'ai les mis, là. Ah, j'ai une peau fragile, une peau sensible à l'eczéma et tout, donc d'accord. Je suis un peu obligé d'hydrater. Mais c'est bien, on devrait tous s'hydrater la peau. Moi, Jonathan, à mon avis, lui, il n'hésite pas à mettre une petite crème, lui. Ben non, mais j'aimerais bien, en fait. Non, moi, je ne prends pas soin de moi du tout, c'est un problème. Ah oui. C'est un vrai problème. Ah ouais, j'aurais dit que toi, tu étais. Après, t'as beaucoup enchaîné le travail aussi. C'est dur de prendre. Mais ça n'empêche pas, Non, mais en vrai, il a raison, ça ne devrait pas empêcher. Ça devrait pas. C'est ce qu'on appelle la rigueur. Oui, c'est vrai. Et j'en manque profondément. Parce que tu en as dans le travail aussi. Ça devrait pas prendre du temps, mais le fait est que. C'est dur d'être équilibré, je trouve. C'est hyper dur de bien bouffer, de bien truc, de prendre soin de soi, d'aller voir l'ostéo, de trucs, tu vois, de faire du sport. Tu fais du sport, là? Moi là, t'as repris? Bah là, bof, en vrai, j'en fais un peu. Avant, je faisais. Et moi, j'en fais plus. Je faisais trois. Et moi, il faut que je reprenne vraiment très vite parce aussi. Que là, j'étais au festival de Gérardmer. Ouais. Il enchaîne les festivals, hein, celui-là. Attends, dès qu'il y a de la neige et des c'est films, fini, il est là. C'est fini là maintenant. Ok, ok. Bah, on peut te parler encore ou t'es dans un festoche là, là. Non, sur son trône de fer. Non, mais il y avait une soirée dansante, donc moi, j'adore danser. Et là, qu'est-ce que tu t'aperçois? Bah que j'ai failli faire un malaise. Non, mais attention. Plus on vieillit, plus on danse mal. Et ça, c'est, ah non, ça se vérifie. C'est pas non, ce qu'il veut dire. Attention. C'est parce que moi, j'ai fait ce constat. Hein. Moi, mec, j'étais à 20 ans, peut-être un des plus grands espoirs de la danse. Chaque fois que je dansais, ça m'attait, truc. Je faisais les pas, je tournais, truc. Et là, je tournais. Là, c'est pathétique quand je danse. C'est des mini pas, c'est des mini trucs. Mais parce qu'il faut adapter. Et j'ai plus confiance en moi. Je vois que les hanches, elles suivent plus les mouvements. En fait, le cerveau va plus vite que le corps. Et là, c'est terrible. C'est vrai, mais c'est parce qu'il il faut adapter sa façon de danser à sa condition physique. Quoi. C'est comme les joueurs de foot qui ont 40 piges et qui sont, tu sais, dans l'économie de mouvement, mais qui font le bon mouvement au bon moment. Ouais, bah, au lieu ça. De faire des tac tac tac tac tac des passements de jambes, ils sont plus dans l'économie d'énergie. Mais alors que la danse à la base, c'est pas fait pour être stylé, c'est fait pour exulter, tu vois, c'est fait pour se lâcher, un truc comme ça. Et en vrai, c'est fini ça. Ouais. Et du coup, t'as la pression maintenant quand tu danses. J'ai la pression quand je fais des petits mouvements et tout, ils sont un peu saccadés. J'ai perdu le tempo de la danse. Ah oui, là, c'est autre chose. Non, mais je te dis, c'est parce que c'est le corps. Je confonds la musique et les gens qui parlent complètement. Vous me parlez. Il veut me parler d'amour, lui. Je suis sénile. Je perds tout simplement la boule. Je perds la boule. Je m'en rends compte là sur ce podcast. une conférence de presse. Écoutez, Jonathan a arrêté de danser. J'ai fini ma question. Donc, est-ce que. Alors j'ai une question pour vous. Un jeune homme de 23 ans. Oui. Tu m'étonnes. Il avait été déclaré mort. Ouais. Ses cendres ont carrément été données à ses parents et pourtant, 4 mois plus tard, il est réapparu bien vivant. Que s'est-il passé? Alors. Ah, c'est une énigme que je vous donne. Est-ce qu'on est sur un sosie? On n'est pas sur un sosie. Un jumeau? Bah non. T'as des sosies, toi, Jonathan? T'en as vu passer? Enfin, pour les gens, je suis un sosie de plein de gens. Bien sûr. Joe, c'est toi là derrière? Ah oui, il y avait chaque eu fois, un. Je me retrouve des trucs complètement fous, des tétés. Et effectivement, je vois le lien de ressemblance à chaque fois, ce qui m'énerve encore plus. Et très souvent, c'est le même truc, c'est les yeux un peu rapprochés du nez. Ah oui. Donc dès qu'il y a des gars qui ont les yeux sur le pif, bon bah c'est WAM, tout simplement. Ah bah c'est Joko, les yeux sont rapprochés. Hey Joko, c'est toi là? Eh ouais, c'est WAM, je comprends pourquoi tu dis ça. C'est mais des gens en surpoids la plupart du temps. Ah ouais, ouais, je suis. Ouais. Ouais. Mais moi je te connais pas depuis si longtemps, mais ça commence à faire quelques années. J'ai découvert que tu es devenu une imitation que les gens font mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tout le monde pense. Les gens commencent à penser c'est qu'ils dire savent. Frère et faire. Les gens pensent savoir t'imiter. Il y en a un qui l'a très bien fait là, ces derniers temps, là, qui se réveille avec la voix du matin. Ah oui, je l'ai vu passer. Ah oui, sur pas TikTok, mal. Je l'ai il vu. Il était bon, lui. Hein. Ouais, ouais, ouais, lui il était très très bon. Hein. Mais il y a 2-3 gars qui arrivent à le faire, mais ils sont effectivement dans Serge Lhuiteau. Oui. Frère, attends. Voilà, je me auto-imiter mieux que. Et là, c'est pas une IA. Non, mais je le redis aux gens. Faut resituer. C'est pas l'IA. C'est pas l'IA. Une IA, je la mets au défi. Non, mais tu rejoins le club d'Aurel San, Thomas VDB, Gollum. Ouais, c'est gens qui. Gollum. Je suis très content d'être après. C'est pas une IA encore. Non, c'est lui. Mais tu vois, les gens pensent savoir t'imiter alors que pas vraiment. C'est juste ils disent frère. Et du coup, ça aussi, le voilà. Frère, attends. Frère, c'est Joko ça. Ouais, ouais. Oh là là, c'est comme dire ah ouais, mon gars, et tu es Thomas VDB quoi. Ah ouais. Oui, mon gars. On a envie. T'as vu, on a envie d'y aller en même temps. Dès qu'on le fait, ça fait du bien. Allez-y, lâchez-vous. On ne nous lance pas sur les imitations. Attention. Donc oui, le jeune homme de 23 ans, dead en fait pas dead. Donc pas un on a donné des cendres à ses parents, je vous le dis quand même. C'est pas juste, il a disparu. Mais attends, donc c'est fou. C'est un prank? C'est pas un prank. On l'avait fait dans le podcast il y a quelques mois. Il y avait faire croire un mec quelqu'un avait fait était croire mort. Qu'il était dead pour un TikTok. Non, oh, wow. Ça va trop loin. Ça va beaucoup. Oh là là, c'est où à peu près par rapport à nous? C'est trop loin. Des kilomètres. C'est des kilomètres de nous ça. il revient. Il avait été identifié mort. Donc, officiellement, les empreintes, le corps, tout. Les keufs et tout avaient dit qu'il est mort. Ah, commence à mettre le doigt sur quelque chose. Donc, il n'y avait pas le corps. Alors, il y avait le corps. Bah, parce qu'il y a eu des cendres. Il y a eu des cendres. Le corps a été brûlé. Une partie du corps. Non, le corps. C'était le corps. Le corps a été brûlé. Attends, ils ont trouvé un corps. Ouais. Ils ont dit, ah, c'est machin. Exactement. et ils l'ont identifié d'une manière qui en à fait était comme on disait. Non mais qui a au faciès, qui a amené sur une mauvaise piste quoi. Exactement. Genre c'est empreinte de dent ou pas une empreinte de dent. Digitale. Pas digital, mais effectivement, on est sur de un l'anus. Truc. Rétinière. Pas d'anus. Les rétines. Non, rétinière. Pas les rétines. Pas les rétines. D'accord. Pas l'anus, pas les rétines. Cheveux. Alors quoi? Qui est mon bouquin. Les cheveux. Ah, ADN. Pas les cheveux. ADN. Pas l'anus, pas les rétines. Pas les rétines. S'il vous plaît. Pas l'anus, on est entre deux gentlemen. Je suis très ouvert, mais j'ai quand même. Pas l'anus, pas les rétines. Ouais. Non, c'est un truc, effectivement. L'ADN. Pas l'ADN. On est sur un truc. Même sur les cinq mamelles de l'identification. Les vêtements. Comme on dit dans la police. Ouais, bah quoi, c'était une mauvaise police. Alors c'était une mauvaise police. Ah voilà, c'était tu une mauvaise police. Police de quoi? Non, mauvaise police de la mode. Non, police, la vraie police. D'accord. La vraie police du pays. Mais c'est juste ils ont regardé, ils ont fait bah ça c'est machin ça. Non. Voilà. Il y a un pas truc. Il y a un truc qui fait qu'ils se sont trompés. Ah, est-ce c'est que c'est une empreinte particularité physique sur le corps? Pas physique. Oh, attends, pas physique. Il avait un accent le mort. Ouais. Ah, il avait la voix de Galabru, le catalan. Je suis mort. Et alors? Ouais, ça c'est lui hein. Je le connais. C'est Dali, ça c'est Salvador. C'est Salvador. C'est soit lui soit Dali. Dali est mort il y a des années. Non non, c'est un truc ouais, c'est je peux pas trop vous en dire. Non mais attends, parce que si c'est pas physique, c'est vêtements. Pas ses vêtements. Mais attends, tu qu'est-ce dis que tu fais pour identifier quelqu'un? Bah tu présentes à ses parents. Tu prends une photo. Non, tu veux l'identifier. Effectivement, il a les dents, il y a les empreintes. Parce que tu dis que c'est pas physique, c'est ça qui me rend fou. Mais oui, c'est ça qui me rend fou. Je vous rends fou. J'ai envie de vous donner des petits dents noirs. Non, pas sur les réseaux. Non, ils ont pas utilisé les réseaux. Attends, c'est pas physique. Là, je suis là. Je suis un flic. Je dois vous identifier. Je fais quoi? Ben, tu nous demandes les papiers. On y va doucement. Ah, donc sur le passeport qu'il avait sur lui ou les cartes d'identité. Ah, il avait voilà. Il volé le c'était le un voleur, un pickpocket. Un pickpocket. On prononce pas le en anglais. Le T est muet. Pickpocket. Pickpocket. Le défunt lui avait pris son porte-pocket. Lui avait volé son porte-pocket. Jonathan Pocket, non? Bah oui. Une polypocket. On fait des polypockets, mais c'est des Jonathan Pocket. Jonathan Pocket. Oh, le petit Jonathan qu'on peut avoir chez nous. Il est dans sa boîte. Oh, coucou. Oh non, trop mignon, trop Jonathan Pocket. Allez. Dans tous les films. C'était tu collectionnes la filmo de Jonathan avec des Jonathan Pocket. Oh là là, oui. Mais tu sais, mais avec une petite boîte. Bien sûr. Le Poly Pocket, c'est ça. Tu ouvres une boîte et ça et c'est tout un monde. Comme un petit diorama, quoi. Encore à creuser, on va le faire. Une mort qui n'avait malheureusement pas trop surpris son entourage, en fait. C'est ça aussi qui les a mis sur le. Non, non. Bah, c'est sûr, c'est lui. Attends, pardon. En fait, les parents. Dans quel contexte? Le mec qui meurt, tu fais oui, bah oui. Bien sûr. Les parents. Je suis pas étonné. Les parents. Ah, il était malade? Non, les parents n'avaient plus trop de nouvelles. L'enfant était, enfin le fils qui avait 23 ans était SDF et se droguait beaucoup. Bon, écoute, ouais. Vous allez voir, ça finit bien, il est pas mort, c'est cool. Il est mort au spa à bière justement. et donc du coup, quand on lui dit bah en fait il est mort, les parents ils disent oui, c'est logique. Oui, c'était d'accord. La suite logique. Oui, bah écoute. Peu d'empathie chez ses parents apparemment. Non, mais ils ont fait beaucoup. Oui, et c'est ce que l'article dit. Ils ont peu d'empathie. Je n'attends qu'essayer au cas où. Non, tu sais jamais, mais peut-être je les connais. Ils connaissent tout le monde. Je les connais quand même. Peut-être je les connais. C'est des gars que je croise tous les jours. Pas sympa hein, sur le flou. Hein. Tu sais pas, toi, tu étais pas derrière. A essayé de les... 20 ans, on a essayé. 20 ans. Il était en sociaux. Enfin, ils sont tous devenus SDF après. Ils te ressortent l'extrait dans une émission après. Vous avez vu ce que vous avez dit sur le chat? Attendez, je savais pas que c'était eux. Ouais, bah. On peut avoir un avis. Et donc, effectivement, ils n'étaient pas surpris, sauf qu'en fait, lui, il avait des aides de l'État, ce jeune SDF. Oui. Et du coup, il dit bah, je les ai plus. Donc, il va au bureau et le bureau, il dit bah, en fait, c'est parce que vous êtes mort. Il dit bah, non, les gars, je suis là. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'était un mec qui lui avait volé son portefeuille avec toutes les papiers d'identité. Et la police a directement. Ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas identifié le corps. Donc, c'est où? Dans quel pays ça s'est passé? Les États-Unis. Mais est-ce que. Ah, j'ai acheté sur un accent espagnol depuis le début, alors que pas du tout. Est-ce que la personne qui est décédée pour de vrai était aussi SDF? Ouais. Bon, ouais, bah, voilà. Les flics, ils ont dit ouais, bon, bah pas besoin. Ils s'en battaient les couilles. Non, mais c'est pour dire qu'ils s'en battaient les couilles, quoi. Ils ont vu un SDF, ils ont dit bon, bah voilà, il a ses papiers, on va pas. C'est terrible. C'est exactement ce qui s'est passé. Bah, c'est horrible. Un homme s'est déchiré. Non, j'ai le bourdon. Ah! Arrête. Ça fin va de l'émission, tu m'as mis le bourdon. On peut faire une pause. On peut faire une pause? Ok. Il me faudra peut-être une petite, je sais pas, un tiers montant. J'avais pas les sponsors? Oh, ça nous arrive. Non, mais genre, vous faites une pause dans le débat, on revient tout de suite après ça. Ça, on a. Avec Durex. Non, on a. On veut pas faire ça. En fait, on veut pas faire de trucs en milieu d'émission. En fait, il y en a une au début, après. Une au début que tu peux skipper si t'as envie. Et après, et il y a l'émission. Et c'est vous qui les faites ? Genre, ça dépend. Quand c'est des sponsors, c'est trop drôle si vous les faites vous. Mais on le fait, on l'a fait. C'est hilarant. Mais depuis tout à l'heure, là, on en fait. Ah bon, tu te rends pas compte. Là, on est sponsor par Jonathan Cocktail, par exemple. Voilà. Okay, là, on a pas parlé. C'est comme Brut, on t'en a pas parlé. Tu vas attendre ça dans une semaine sur TikTok. Dès que ça sort, il rigolait pas du tout en fait. Ça serait génial que ça existe vraiment et qu'on fasse une sponsor Jonathan Cocktail. Oh là là. Et attention, ah bah, la boucle serait bouclée de la meilleure des manières. Putain. On se donne un nom pour le faire. Allez, c'est parti. 30 janvier 2025. Notez bien la date. Vous n'êtes pas prêts. Pardon. Qu'a-t-on retrouvé dans le côlon d'un sexagénaire? Question que je vous pose. Alors, on connaît un peu. des animaux, des trucs. Alors, on est sur plutôt un animal. Un serpent. Oui, c'est ça. Alors, pas un serpent. Un hamster, je pense. Pas un hamster. Une anguille. Ah bon. Et non, ça, oh, tu bon, confonds ouais, avec Richard Gere, je me rappelle. Ouais. Non, attends. Non. Après, ils vont lui sortir l'extrait. Ça a été débunké. D'accord. Donc, est-ce que c'est un animal plutôt long, allongé, quoi? Non. Une araignée. Plutôt petit. Une araignée, c'était pour la promo de Vermine. Ouais, je l'aurais dit plus tôt. Un petit cafard, mais on est là-dessus. Un insecte. Non, on est sur un insecte. C'est sur un insecte. On est sur un insecte. Ouais. Un ou plusieurs. Un petit insecte. Mais attention, vivant. Fourmi rouge. Pas une fourmi rouge. Aïe. Un cloporte. Un clou de balle. Est-ce que c'est un insecte? C'est gratte. Un insecte qui peut être dangereux? Pas du tout. Mais attends. Qu'un amour d'insecte. Un amour d'insecte. Du coup, tout le monde l'adore. Là, vu de nez, ça reste. Une coccinelle. Ça peut arriver, quoi. Non mais je me dis, si tu te dis dans le côlon. Non mais il a raison. En vrai, si c'est pas dangereux, tu dors. Oui, dors. Il y a un insecte. Tu dors. Tu dors ma poêle. Effectivement, être dans le huc pour le peu que t'aies lâché une caisse et qu'il y ait une petite ouverture dans la porte des et qu'il en a profité. Go, allez go, c'est maintenant. Mais il est aspiré par le métaverse. Ah ouais. Il se retrouve dans le côlon. Et là les. C'était un des scénarios de Spider-Man. mais voilà. Là, elle serait vraiment motivée. De Ant-Man. Ouais. Alors, ce n'est pas une araignée, ce n'est pas une fourmi. Un insecte volant. Tout à fait. Une mouche. Une mouche. Mais non. Une mouche dans le cul. Je sais pas si c'est une mouche. Et qu'est-ce que ça fait? Donc, ça vole dans le trou de balle, ça vole dans le colon. Attends, elle volait genre dans le. Oui. C'est possible ça? Bah, c'est pas. C'est là, attends, le colon. Excuse-moi, juste deux secondes. Elle était au paradis, cette mouche. Juste à boire, à manger, à dormir, des canapés gonflables. Non, mais d'habitude, une mouche, elle est un peu obligée de chercher. Putain, où est-ce qu'il y a de la merde? C'est pas vrai là. Ça fait une heure que je cherche. Elle là, est dedans, elle est là où ça se fabrique. Mais c'est ça, où est-ce qu'il y en a pas quoi? Elle est à chez Willy Wonka, mais de la merde. C'est Charlie. Elle a chocolat merde. Mais c'est Willy Wonka. Mais j'ai le ticket d'or. J'ai le ticket d'or. Pourquoi c'est bien d'or? Regarde. Pourquoi c'est Dani? C'est Dali. C'est là où ça se fabrique. Oh, toute la merde. Pourquoi c'est Dali Willy Wonka là? J'ai pas fait Dali. Non, là c'est d'autres choses. C'était Willy Wonka. Mais pourquoi il a un accent qui roule l'air et tout? Un ancien mafieux. Pour voir Willy Wonka. Attends, Willy Wonka. Oh. Putain, ouais. Lui, à chaque fois, il nous cogne. D'ailleurs, vous l'avez vu, le nouveau Willy Wonka? Non. J'ai pas envie de le voir. Mais ouais. Ah, moi, je balance. Non, mais calme-toi. Le côté comédie musicale rebute un petit peu, non? Mais pas que. Ouais, mais moi, oui, après, en fait, vous êtes fou de Charlie à la chocolaterie, vous? Bah, pas dingue. Quand j'étais petit. J'en ai rien à branler. Allez. Non, mais en vrai, j'en ai rien à foutre. Ouais, ça m'a quand j'étais petit, j'avais kiffé le livre. J'avais même lu la suite. Ah, tu lisais. Il y a une suite? Quand j'étais gosse, ouais, maintenant. Il va où dans la suite? Il va dans un autre. Non, c'était Charlie et le grand ascenseur de verre. Bon, ils avaient plus d'idées là. Et la chocolaterie alors? Bah, elle était où? Les fabricants de gâteaux. Fini la chocolaterie. Il disait, j'en ai fait le tour. cherche à me renouveler là. Non, moi c'est les ascenseurs. Hein. J'ai une vue panoramique magnifique. Moi c'est. Mais j'ai failli le voir justement sur mon week-end à Amsterdam. J'y reviens parce que je me suis dit. Ça peut être marrant de faire défoncer un film Bien sûr. Un peu psychédélique, ouais. Mais voilà, sauf que vu que je fume jamais, c'est pour ça que ça fait beaucoup d'effet sur moi. Quand j'étais défoncé, ça dégueulait. J'ai pas arrêté de dire mais quelle mauvaise idée j'aurais eu d'aller voir Willy Wonka. Je pense que ça aurait été trop fort pour moi. Alors que Dali, Tout à fait dans le côté un petit peu psychédélique. Ça aurait été nickel. Vous l'avez pas vu d'ailleurs. Parlons-en alors. Mais on peut faire semblant. On peut faire semblant de l'avoir vu. Il y a Elvis dedans. Elvis, il y a Elvis, ok. D'accord. Je vous fais tous les personnages qu'il y a dedans. Allez, ok, c'est pas ça. Bon, il y a Salvador Dali. Dali. Okay. Il y a aussi Elvis. Oh, qui arrive comme ça. Okay. Il y a qui? Bah, alors, je vais en avoir plus qu'une. Ça, c'est qui? C'est retourner un peu dans le passé, voilà, le passé de la France des acteurs. Bourville. Oui. C'est pas du tout. je vais en avoir plus qu'une. Ah, c'est beaucoup moins bien, forcément. Ah, oh, bah oui, bah lui, il prend le film que tout le monde connaît. Ah, moi, ouais, j'ai pris les courts-métrages. Son film d'étudiant. Le métro. Celui-là, il avait gagné Clermont. Hein. Bah, je le connais, c'est le métro de Pimpin. Ah, oui, mais j'en avoir plus qu'une. J'en avoir plus qu'une. Le métro de Pimpin avec Gros Vier. C'était sa catchphrase. Hein. Ouais. C'est, ah, mais bon, arrête des bugues. C'est assez facile, je pense, d'inventer des fausses catchphrases de Bourville. Bien sûr. Juste un petit truc un peu gênant. T'sais. Déjà, tu rajoutes Ah bah, il va pleuvoir aussi. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ce soda? Voilà ce qu'il aurait dit. Ah oui, il aurait dit ça. Voilà ce qu'il aurait dit. C'est du soda, c'est des bulles. C'est des bulles. Ça pique. Ah mais en plus putain, il avait fait un, ouais, c'est fou, il avait fait un sketch l'eau ferrugineuse. Oh putain. Où il disait ça pique. Donc comme un soda quoi. Voilà. Tu vois ce que ça aurait été. Voilà, putain. C'était Max. Le prochain Dupieux, c'est Bourville. Il refait comme Dalim et Bourville. Et il y a Méniel dedans. Et il y a Méniel dedans. Là. Bah, franchement, s'il y a Méniel, Vincent Dupe, Cassel, Quentin Dupe, si t'écoutes. Non, si tu fais Bourville, Dupe, les gars, je souhaite à la terre entière de tourner avec cet homme qui est exceptionnel. Mais il doit y avoir un truc. Je suis là, je suis dispo moi. Je suis un Gaulois de la télé, je rappelle. Franchement, il y a Jérôme Niel dedans. Qui, bah ouais. Comme d'hab, moi je l'adore. Quoi qu'il fasse. Vous avez vu son dernier spectacle? Bien sûr. Exceptionnel. Il en a fait qu'un. Adoré. Ouais. Il y en a qu'un donc. Ouais. Bon, c'était le dernier, effectivement. mais j'ai adoré. Bien sûr. C'est vrai que c'est son deuxième avec Dupieux. Il était dans Fumer, ouais, fait tousser également. Ouais, ouais, ouais. Qu'il soit dans tous les films de Dupieux, ça me correspond de ouf. Mais c'est marrant que t'aies fait un. Enfin, moi je te connais très bosseur sur les scénarios et j'entendais que Dupieux, non pas que c'est pas un bosseur, mais il ne fait pas 1000 versions d'un script. Il travaille quand même, hein. Il travaille en son amont, scénar, j'imagine. C'est-à-dire qu'il pose le truc et après il retaille, il fait son truc. Et d'ailleurs pareil pour le montage, mais c'est quelqu'un qui est dans un geste. Ouais. Il fait vachement confiance à son inconscient, donc il a une un peu comme ça, tu vois, quelque chose qui sort de lui, qui le dépasse, et après il le donne et il le fait comme ça. C'est pour ça que les films de Dupieux, c'est des gestes, tu vois, ouais. Et ça c'est quand même magnifique, quoi. Ouais. Il est sans concession, il fait son cinéma, il le fait homemade, ouais. Donc c'est vraiment fait, c'est un artisan. Il cadre, il monte, il fait tout, ouais. Il fait la photo, ouais. Il fait les cafés. Il fait les cafés. Oh, deux allongés, c'est ça. Allez, action. Tout en même temps. Et là, bon, de temps en temps. Il se pose. Mais mon heure amicale, alors. Alors, Bourville, qu'est-ce qu'il fout là? Il nous le fout partout maintenant. C'était dans le film la cadence à Tati. Oui, c'est bien ça. Sûr. Non, franchement, c'est exceptionnel. Et puis, c'est un mec profondément joyeux. Mm. Il est dans la joie en permanence de créer, ce qui se passe, ouais. De ce qui se fait. Putain, c'est génial. Ok, truc. Tu vois, même si là, il a la voix de Patrick Sébastien, c'est pas ça. Putain, j'ai. Mais pour moi, c'est génial. C'est génial. Là, je me suis fait la tête là, de Mitterrand, vous allez voir. il est. Franchement, c'est un bonheur et c'est vrai qu'il donne des ailes aux acteurs. Mm. Franchement, c'est exceptionnel. Ah, bah, super. T'as du qui? Toi, tu re-signes demain. Ah, moi, demain, ouais. Après-demain, tout le temps, en fait. Ouais. C'est dément d'être dans cet univers-là et dans cette manière de faire des films. Et surtout, c'est pas un peu flippant parce que c'est la première fois que tu joues à un mec qui a existé. Oui, mais tu sais, en plus, j'ai repris le rôle, moi. Encore une fois, on m'a appelé, genre. Mais après, en fait, il y a... Parce qu'il a demandé à beaucoup de Dali. Ouais. Enfin, il avait demandé à beaucoup de Dali, à beaucoup d'acteurs. Ouais. Et pour des raisons de disponibilité, de trucs comme ça, il y en a plein qui n'ont pas pu le faire. Mm. Et il se trouve qu'au dernier moment, il y en a un qui ne pouvait plus le faire. Mm. Et donc, il m'a appelé. Moi, je devais faire le producteur qui était joué par Romain Duris. D'accord, OK. Qui est joué d'ailleurs par Romain Duris. Donc, je préparais ce truc-là. Et il m'appelle, il me dit « Ouais, mon Joe, tu ne veux pas me faire un Dali ? Parce que là, en vrai, je suis en galère avec quelqu'un qui ne peut pas le faire et tout. » Donc, j'ai repris le truc. Et j'ai été sur YouTube, c'est génial, allez-y, pour voir des vidéos du passé, du présent, enfin il y a tout dans YouTube. Ouais. Placement. Titre reco, ouais. Placement. Placement, à l'ancienne. Pour YouTube. Placement pour YouTube. et j'ai vu tout ce qu'il pouvait, tu vois, toutes les interviews de Dali, et c'est incroyable, cet homme est incroyablement fou, génial. C'est sûr qu'un personnage comme ça, je vois pas comment il peut exister aujourd'hui, mais il est... Donc du coup, voilà, je me le mettais H24 dans les oreilles, j'ai essayé de donner le meilleur d'Ali possible. Et est-ce que le fait que ce soit justement un personnage méga fantasque, du surréalisme et tout, ça déstresse un peu? Ou est-ce que quand même, t'as un peu la pression en disant, ah, quand même, faut pas que j'ai l'air... Alors moi, j'étais dans l'amusement parce que j'étais trop heureux de le faire, d'être là, d'être avec lui et tout, mais il y a quand même un endroit, mec, où c'est... Bah, où tu te dis, bon, bah, ça peut être aussi de l'imitation, ça peut être aussi, tu peux basculer dans un truc un peu grotesque. Et en plus, ce qui est génial, c'est que tu flirtes avec le grotesque en permanence, avec le ridicule. C'est autorisé par ce que tu fais, en plus. C'est autorisé et pas, c'est-à-dire que c'est un endroit à trouver de, on va dire, de ridicule sincère. Oui. Si t'es sur la corde. T'es sur la corde en permanence, c'est casse-gueule, hein. C'est très, enfin, c'est casse-gueule, mais faut pas avoir peur du ridicule. Et d'ailleurs, même, faut aller le chercher d'une certaine manière pour trouver la bonne distance, tu vois. Et lui, c'est la personne qui est là, qui dit « Oh là, Joe !» Il me dit, là, on est plein de fois, son truc avec moi, c'était « Là, on est au Mexique, là, Joe, là, on est non là, je... C'est pas ça, le... c'est pas ça, Dalia. Oh, Brugger, les tacos hein. !» Ah bah oui, non, mais toujours rien à voir. Le mot tacos à chaque fois. Ah oui, c'était plus de l'accent, c'était des mots. Et tu faisais plus l'accent d'ailleurs. Tu... Bah, non, j'allais dire, tacos, qui veut les tacos non, mais on est au Mexique, Joe, tu nous fais voyager, mais c'est pas la bonne destination. Qui veut une chipotle là. On se fait tous un chipotle, je suis bonne chaîne de restaurants mexicaines. Et donc, non, mais voilà, c'était un endroit trouvé. Et c'est, oui, c'est un peu vertigineux. Mais, ouais. Mais j'ai très hâte de le voir. J'ai très hâte de le voir. Franchement, le film, et c'est ça que j'aime chez Dupieux, mec, il est. C'est, ça ressemble même pas à un autre Dupieux. C'est, en fait, ça pourrait être une œuvre dans un musée. Ouais. De beauté, de trucs, même de. Très, moi j'adore, hein, moi je trouve ça incroyable. Mais c'est drôle, faut le dire aux gens, c'est quand même une comédie. C'est drôle, mec, vous allez voir, enfin il y a des acteurs exceptionnels, il y a toujours De Moustier qui est juste démente tout le temps, quoi qu'elle fasse, elle respire. Elle pour dire vite fait l'histoire, c'est très surréaliste comme on dit, mais c'est une journaliste qui interview Dali sur plusieurs périodes qui de sa vie. Qui essaye d'interviewer Dali sur plusieurs périodes, mais voilà, tu vois, le point de départ, il est vraiment basique et puis ça va pas en couille totale. Bien sûr. T'as des acteurs fous et t'as les, donc on est 5 à faire Dali. Bon bah t'as aïe aïe c'est pas... t'as Edouard Baird, Pio Marmaille, Edouard Baird qui est pour moi un des plus grands génies français de l'histoire de France, de tout, c'est pour le coup, je trouve que c'est celui qui ressemble le plus à Dali, mais dans la vie, parce que c'est quelqu'un qui est tellement brillant, qui c'est quelqu'un que tu peux pas mettre en défaut, tu vois. Edouard Baird, il rebondira toujours, il a l'esprit fait d'une telle manière qu'il y a toujours une issue et il y a toujours quelque chose qui part vers autre chose. Et c'est, Dali était un peu comme ça en fait quand tu l'entends. Puis c'est marrant avec Dupieux parce que maintenant t'as un peu le nouveau truc de j'ai hâte de voir cet acteur chez Dupieux. Enfin moi j'avais ça avec toi, je me suis dit putain j'ai hâte de voir Joe chez Dupieux. Mais je comprends. Edouard Baird, c'est trop cool de le voir chez Dupieux. Là j'ai vu que je crois qu'il fait un film avec Louis Garrel. Je me dis putain mais Louis Garrel chez Dupieux ça va être fou. Enfin il est devenu un espèce de gars où tu dis ah j'ai hâte de le voir rencontrer des acteurs. Et puis c'est sûr que les acteurs, mais je comprends que tout le monde a envie de tourner avec ce gars-là. C'est un des seuls on va dire qui propose un univers singulier unique aux gens. Ouais. Par la DA, par les histoires, par le concept, tu vois, il a quand même fait un film qui s'est tourné en 6 jours, Yannick. Ouais. Il dit voilà les gars, on a 6 jours. Allez, qui n'est pas sur le chanteur Yannick, faut le dire aux gens de ces soirées-là. Le biopic de Yannick. On sait que Raphaël Quenard allait chanter ces soirées-là. Non, et en fait, rien à voir. Mais il y a beaucoup eu de déçus. Je retrouve pas mon histoire. On m'a menti. Où est mon Yannick, moi, c'est ce que j'ai. Il suffisait de voir la bande-annonce parce que pour le coup, c'était assez clair. À quel moment il va demander qui est dans la vibe? Enfin, que lève les bras, mais personne lève le bras. Personne n'a le bras. Il est ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Non, mais ça m'en foudrage. Mais écoute, c'est pas grave. Il y aura, j'espère, un vrai biopic d'In de Snow. Après Bourville, il faudra faire Yannick. qu'est-ce que je disais? Ben voilà. Non, mais c'est ça, c'est plein d'acteurs qui vont chez lui. Et mais ça je comprends. Plaisir. En vrai, c'est un peu une licorne chez nous. Et ce que j'aime, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il n'y a pas d'autre Dupieux ou dans sa caté. En fait, il est solo dans sa caté. Mais ça se fait de plus en plus un peu. Enfin, il a ouvert une porte, je trouve, au cinéma un peu chelou. Oh, il boit. Non, mais tu vois, je suis allé voir. Ils n'ont pas du tout été. Les Boukarma. Il y a eux, évidemment, mais je pensais à. Je suis allé voir Poor Things, alors qu'il n'a pas été inspiré par Quentin Dupieux, mais je me suis dit, c'est fou. On a le droit de faire des films comme ça, quoi. Des films d'un niveau de chelou, Poor Things avec Emma Stone, mais de Yorgos Lanthimos. C'est Lanthimos. Oui, bien sûr. Que le gars, il a fait. La favorite. 6-7 films. Bien sûr. Tu vois, et en plus, tellement différent. The Lobster, il est. Incroyable. C'est un chef-d'œuvre absolu, mais de bizarrerie aussi, tu vois. Ils sont nommés aux Oscars et tout, ce qui dit. Enfin, je trouve qu'il y a un truc marrant dans l'époque. J'ai l'impression que c'était moins le cas avant, mais peut-être que je suis juste pas cultivé. J'ai l'impression qu'il y a un cinéma un peu chelou. Enfin, tu vois, et même Dupieux, tu regardes ses premiers films et aujourd'hui, il a. Il y a beaucoup de copies, enfin plus de copies qu'avant. Il est reçu au César, c'est cool, je trouve. Mais que t'as ça vu le temps que ça a pris. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. C'est son 12e film. Ouais. Et ça fait 12 ans qu'il fait du cinéma. Mais c'est cool, ça, ça amène un nouveau cinéma. Mais oui, mais Yannick a ouvert la porte, j'ai l'impression, à quelque chose beaucoup plus grand public là-dessus. Ouais. Après, il a toujours sa fanbase. Moi, ce qui est fort, quand tu fais des dates avec Dupieux, mais t'es halluciné. C'est son public qu'il va voir. Et c'est incroyable, c'est énormément de jeunes, de jeunes artistes qui posent des milliards de questions. C'est quand même un gars qui a fait. Une grosse barbe. Qui a une énorme barbe. Bon, pour les coiffeurs barbeurs, c'est genre une. C'est incroyable. Un Eldorado. Tout le monde veut la tailler, cette barbe. Tout le monde veut le coiffer. C'est le Saint Graal. Il y avait Toussaint Talg. Ils étaient là, ils étaient bien. Mais on le veut. Mais viens chez nous. On va lui faire les soins. Et non, ce qui est assez fou, c'est que. Il inspire les gens, il inspire les jeunes artistes. Et parce que ce mec-là, tu dis, c'est quoi votre parcours? Moi, j'ai fait 40 courts-métrages avant de faire un film. Ouais. Ok. Bon, les gars qui disent, mais comment on fait pour faire ce métier? Fais 40 courts-métrages. Ouais, c'est ça. Comme moi, j'ai fait avec zéro balle. Ouais. Et c'est comme ça que tu montes les échelles. Et d'un coup, il dit, bon, c'est possible. Et l'incarnation du c'est possible. À la française. À la française. Ouais, bien sûr. Mais tout ça ne nous dit pas plus de choses sur la mouche dans le cul. Oui, la mouche dans le cul. Excusez-moi. Parce que je vois qu'on a pris un pensais qu'on allait tourner la page de la mouche. Ah, oh là là, la mouche dans le cul n'a pas été. Cela dit, la mouche, on reste dans l'univers de Dupieux. C'est la mandibule. À la base, elle finissait dans le cul. Bon, ils ont changé la fin. Ils ont surtout changé la taille. C'est à cause de la taille qu'elle finit pas dans un cul. C'est ça. Sinon, ça finissait comme ça. Donc, les médecins ont trouvé des hémorroïdes, tout ça, dans le côlon. En fait, le mec devait faire un examen. Les hémorroïdes, c'est pas dans le côlon, c'est juste. Non, c'est autour. Non, mais ils ont fait un examen du trou du cul. Ça va, les spécialistes? On est. Soyons précis. Et en gros, c'est. À la base, il venait juste faire une coloscopie. Donc en fait, j'étais lavé l'anus et tout. J'ai vu une mouche. Non, mais pour te dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce liquide? C'est de la bière. Mais c'est une caméra. Bonjour tout le monde, je vais faire mon podcast. C'est une vidéo. Et donc, bref, les médecins s'étonnent que la mouche soit intacte parce que normalement, si elle était rentrée par la bouche, le côlon est la portion finale du tube digestif, donc elle aurait dû être broyée, digérée. Voilà. Donc, la théorie que le docteur Pauline Guilouche, qu'on embrasse, le docteur Pauline Guilouche, hépato-gastro-entérologue. Je sens que ça va être dégueulasse. Non, elle dit il y a plein de choses comme ça qu'on peut trouver. Ce qui se passe, c'est qu'avant une coloscopie, les patients prennent une purge laxative la veille et le matin de l'examen, ce qui accélère le transit, d'autant qu'on ne boit pas. Que cela et qu'on ne mange pas. Oui. Donc en fait, quand la mouche, elle rentre par la bouche, elle n'est pas justement mélangée, broyée avec des trucs. C'est nickel, c'est comme une espèce de route dégagée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais attends, il y a autoroute. Il y a quand même les sucs digestifs dans l'estomac, on aurait dû la tuer, quoi. Et le docteur Guilouche. T'es mieux qu'elle? Guilouche? Guilouche. C'est Gilles Lelouch. C'est Gilles. J'ai mal lu. C'est docteur Guigui et Gilles Lelouch. Je suis connu au quartier nord. Il a dit ça, il mouche dans ton cul. Qui t'y connaît, toi, aux hémorroïdes? Il est au quartier nord aussi. J'ai une dernière question avant de passer quelques questions sur au Dali Game. Et on parlera dès le roi un peu. Je vais vous prendre celle-là. Non, je peux piocher. Je suis content de vous voir. Vous savez même pas comment. C'est un vrai bonheur de t'avoir. Putain, je suis content de vous voir. Je suis ravi. Ouais, content. Content. Ça, je suis Salvador Ravi là. Oh putain. Tu vois, je suis content de le revoir. Non pour ça. Un enfant a vécu un véritable cauchemar sur un vol entre la Floride et Philadelphie. À votre avis, que lui est-il arrivé? Est-ce qu'il y a, c'est un problème de santé un peu? Non, c'est pas glauque à ce point. Non, mais je voulais dire avoir la chiasse quoi. Ah c'est ça que je voulais dire. Moi je trouve ça super glauque. Ouais. Non, mais il y avait plus la télé, un truc comme ça? Non. Sur l'avion. Ouais. Et c'est ça le drame. Ouais. Bah, tu sais que c'est le prochain écrans, film. Là. Tu sais, c'est le prochain film de qui ça? Ah oui, de Triangle of Sadness. Ouais. Il y a plus de divertissement dans l'avion, le plus long vol. Les gens pètent un câble. Les gens deviennent fous. Pas mal. Et j'adore. Un peu marrant. C'est bien, ouais, marrant. Mais lui, il jette un regard sur la société, j'ai l'impression. Ah bah ouais, il nous fait une belle une critique au vitriol. Hein. Les riches, ils ont des costards bien taillés, mon pote. C'est par lui. Clair, ouais. Il est là avec ses petits ciseaux. Plop, plop, plop, plop, plop, et pas que les riches. Hein. Tout le monde. Tout le monde. On prend pour 100 grades. C'est vrai, hein. Rigole pas. Vitriol. C'est un mot qu'on n'utilise pas assez. C'est vitriol, vrai. C'est le comique qui fait ces blagues-là. Ah ouais. C'est vitriol, il monte sur scène et on dirait un clown un peu. Mais c'est ça. Vitriol, coucou tout le monde, les riches. Alors, vous avez de l'argent? Oh, c'est pas bien écrit. Oh vitriol, non, vitriol. T'as pas bossé les textes. Oh, je perds mon pantalon. Okay, tu nous as chopé. Tu nous as chopé. C'est marrant, vitriol. On voit ses boules, il est marrant, vitriol. Donc non, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce, à bon, cet enfant? Est-ce qu'un truc de type sonore qui l'a dérangé? Non. Ok. C'est pas du tout lié aux écrans, c'est pas du tout lié au divertissement. Non. Il a avalé quelque chose qu'il il a été. Est-ce que non, pas du tout. Vraiment, tu m'as fait un regard. Ça n'a rien à voir avec la bouffe. Je joue au poker. Est-ce que c'est par rapport à l'endroit où il était assis? Non. C'est pas genre il était coincé entre deux personnes qui. Non. Est-ce qu'il était à côté de quelqu'un qui arrêtait pas de péter? Oh non, imagine. Non. Est-ce ça qu'il a demandé à ah voir? Ouais, ah bah oui. Allons voir. Après, allons courrier. C'est le principe de bah la. Bah oui, oui. Il y avait du courrier et il y avait. Il y avait une dame, hein, c'est une dame, voilà, qui pendant qu'on dormait, elle n'arrêtait pas de lâcher des caissons pendant que je regardais le film. Bah ouais, mais et voilà, et tu peux pas lui dire. Arrête. Stop it. Stop tu it. Arrêtes. Ouais, voilà. Tu arrêtes. Tu arrêtes maintenant de péter. Hein. On t'a élevé où, toi? Dans une porcherie, peut-être. Laisse-moi regarder, aller au bout de Titanic. Du coup. Ah bah oui, tu as choisi un film très long aussi. Ouais, bah, ouais, forcément, elle pète. Oui. Mais après l'avion, c'est. Non, l'avion. Tout le monde lâche des caisses dans l'avion. C'est l'endroit où tu lâches le plus de caisses. Bah déjà parce qu'on les entend pas. Déjà. Ah, et déjà tu les entends pas. Et puis si tu mets une caméra, je pense qu'ils avaient. Il y a un truc comme ça sur YouTube. Et, où ils mettent une caméra genre infrarouge. Au moment du décollage, gars. Tu vois une fumée verte. Tout le monde lâche des caisses. C'est l'endroit où tout le monde se vide le plus. Bah oui. Non, je crois qu'il doit, y a même la pression qui doit jouer. Mais un oui, peu la pression. Tout ça. Bah, c'est la pression. C'est là où les mouches rentrent en fait. Bah oui, parce que Des fois, j'y pense. J'ai pas pris beaucoup l'avion, mais une fois, j'ai pris l'avion, il y avait une mouche. Je me dis, t'imagines la vie de cette mouche. Ouais, elle voyage. D'un ouais. coup, elle se fait la, la chaleur. Imagine, elle est de Bagnolet, gars, elle arrive. Oh, New York. Oh là là. Le Big Apple. Ah, oh, je parle pas la langue. Oh non. What do you want? Oh, bien, bien, bien. Oh mon dieu, gars. Est-ce qu'il a demandé à voir le cockpit et. Non, c'est pas un truc non. comme ça. Non, non, non. Le peacock? Non. Il est non donc il est c'est pas un truc de santé, il est pas tombé dans les pommes. Non, il va il a eu juste très peur. Ah il... bah la porte s'est ouverte un truc comme non, ça là. Non non le pauvre. Non non, c'est il a vu quelque chose qui lui a fait peur? Non. À l'extérieur de l'avion? Non. Il y avait le Grinch ouais, sur l'aile. Donc ouais. c'est un truc qui lui a fait peur, c'est ça le cauchemar. Ouais. Et dans l'avion, à l'intérieur de l'avion? Plutôt à l'arrivée. Ah, à l'arrivée. Il... Alors attends, mais c'est quelque chose qu'il a vu sur l'avion ou non, à l'endroit c'est à où il a... c'est vraiment... en arrivant. Oui, non, mais ça aurait pu être. Il atterrit et là il voit que l'aile était fissurée. J'en sais ah pas. Oui, non, non. C'est non. sur l'endroit où il a atterri. Oui. En fait, il s'est juste trompé d'avion. Non, mais il s'est fait un film. Il est arrivé au mauvais endroit. Avez-vous vu le film Maman, j'ai raté l'avion 2? No oui. way. Et bah, il lui est arrivé exactement ça. C'est-à-dire oh, qu'ils wow. se sont là, trompés. Enfin, c'est le... oui. Il devait... En fait, il devait voyager seul. Ouais. Ce qui est déjà risqué. Hein. Ouais, et j'ai fait quand j'étais petit. Ah ouais? J'ai dégueulé. Voilà. Et du j'adore ça. Petite histoire. Voilà, si Dupieux veut. je joue le gamin par contre. Oh là là, il a, oh, tout, wow. il a tout fait tomber. Non, non, il n'y a rien. Oh, sublime. Quel Jedi. Et donc, oui, Casper devait arriver à l'aéroport du sud-ouest pardon, de la Floride, à Fort Myers, en provenance de Philadelphie, alors qu'il prenait l'avion seul, selon le témoignage de sa grand-mère. Or, cette dernière n'a pas pu trouver son petit-fils à la destination. Seul son sac a effectué le bon trajet. Gasper, lui, était introuvable. Gasper, non. Casper, pardon. Gasper. Ouais. Attention, mon pote. Hein. Ouais. Non, mais je mange les mots. T'as vu un fantôme ou quoi? C'est vrai. Casper, le petit fantôme. Non, mais ça, faut connaître le cinoche. Faut avoir vu des films. Celle-là, elle est cinéphile. Ouais, ça, celle-là, c'est pour ça, les cinéphiles. Cinéphile. Et on sait qu'on en a. On en a. On en a plein les besaces. Allez, vas-y. Ils m'ont dit qu'il avait raté son vol, mais j'avais l'étiquette d'enregistrement, déclarait Maria Ramos. J'ai couru à l'intérieur de l'avion vers l'hôtesse de l'air. J'ai demandé Oui, mon petit-fils. Il vous a été remis à Philadelphie. Elle a dit non, je n'avais pas d'enfant avec moi. Après quelques recherches, Casper a été retrouvé en Floride, mais à Orlando. Ouh. Plus de 300 km de là où était la grand-mère. Ah oui. La compagnie a tenu à se montrer rassurante, indiquant que l'enfant avait toujours été sous la surveillance d'un membre de la compagnie, mais il a été. Il s'est planté. Ils l'ont emmené à Disney du coup à Orlando. Bah, ouais, franchement, il s'est pas gouré à la il fin. A été hein. très ouais, bah, oui, est-ce que vous avez souvenir d'une peur d'enfant? Vous aviez peur de quoi enfant? Ou d'un événement un peu marquant de quand vous étiez petit qui vous a fait flipper? Outre quand tu t'es pissé dessus devant tes copains, bien sûr. Devant les amis de tes parents, bien sûr, Adrien. Bien sûr. C'est plus un trauma qu'une peur, non? Ouais, ça ouais, peut rentrer, ça peut rentrer. Ouais, ça rentre dans la tout. Casse, hein okay, moi, je prends tout. La case est énorme. Moi, j'avais peur du noir quand j'étais petit, de l'obscurité. J'avais peur. Ah ouais, vraiment? Mais t'as des souvenirs, donc c'était jusqu'à tard, ça veut dire. Ouais, assez tard. Et puis c'est passé. Et je me, genre par exemple, quand je, si je me levais, alors plutôt dans les endroits qui étaient pas chez moi, que je connaissais pas bien, si je me levais la nuit pour du coup, je me rends compte que je faisais déjà ça quand j'étais petit, de me lever la nuit pour pisser. Ouais. Ce qui est un petit peu ma marque de fabrique, je te cache pas. C'est une signature. Non, et j'avais peur. Et en fait, parce que je n'osais pas allumer la lumière parce que je me disais que j'allais déranger ou je sais pas quoi. Et du coup, je fermais les yeux. J'avançais les yeux fermés. Dans le noir. Et je me suis rendu compte plus tard que c'était un truc commun chez les gens qui ont peur du noir, de fermer les yeux, parce qu'il y a un côté, je suis dans le noir, mais au moins c'est un noir que je contrôle. Que tu maîtrises, ouais, voilà. C'est ton noir, toi. Voilà. Pas mal. Et du coup, je faisais ça, mais ça m'a passé. Ouais, 17-18 ans, t'as les yeux grands ouverts dans le noir. Exactement. Toi, Jonathan ? Moi, c'est. Alors attends, mais en plus, j'ai été très très anxieux, très angoissé petit, mais putain, j'arrive pas à me souvenir de vraies, vraies peurs. Moi, c'est les films qui m'ont fait peur, des trucs comme ça, des trucs, des cauchemars. Mais. Moi, alors, si on parle de films, il y a un film qui s'appelle Et la tendresse, bordel. Oh, ça me dit un truc. Ça me dit quelque chose aussi. Avec. Merde, comment il s'appelle ? On dirait un Bido, ou un truc comme ça. Ouais. Bido. Non, c'est. Non. Mais je me demande si c'est pas Schulman. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est Patrick Schulman, exactement. Voilà, Patrick Schulman. Ouais. Et comment il s'appelle ? Bido. Ah bah Jean-Luc Bido. Jean-Luc Bido, bien sûr. Et en fait, il joue un. Il joue un docteur un peu que tard dans mon souvenir et tout. Et à la fin, il se fait. Il y a une meuf qui prend des ciseaux qui lui coupe la teub. Ah oui, ouais, je vois ce qu'il peut. Et il y a une. On voit pas évidemment l'acte, mais on le voit lui après à poil qui se tient à la teub et il a du sang qui coule. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et ça, ça m'avait un peu trop mal quand j'étais petit. Bien sûr. Et du coup, je refuse qu'on me coupe la teub maintenant. C'est vrai que ça, tu veux plus en entendre. Je ne peux plus. Non, mais je veux plus en entendre parler. Moi, je me fais régulièrement couper la teub et tout, mais dans des instituts où. Attention. Au laser. Oui, et puis c'est à la bière d'ailleurs. Évidemment, c'est à la bière, on passe de la bière. C'est à la bière et tout, ou blond, qui permet de rendre les chairs, on va dire, beaucoup plus disponibles. Malléables, oui, c'est ça. Voilà, tu vois, il te remplit le corps après, caverneux. Il te la coupe. Oui, mais ça, t'aurais pas pu faire ça il y a 10 ans. C'est avec les nouvelles technologies. Non, c'est sûr, mais ça, c'est l'IA. Et en vrai, pour le coup. Non, franchement, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a du bon. Mais il y a du bon. Ah ouais. Non, mais c'est marrant parce que j'ai parlé de ça ce week-end, de les gens qui sont à fond vraiment dans la body modification et tout, les gens qui se mettent des... Ouais. Et il y en a qui se coupent la teub dans le sens de la longueur en d'accord. Ah oui, tu vois, moi c'est plus dans la longueur en tranche, ouais. Oui, oui, c'est en lamelle. C'est en lamelle. C'est moi, c'est ça qui me fait un petit saucisson sec. Un millefeuille, voilà. Non, un millefeuille plus, enfin un truc dans la. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais non, ceux qui le font dans la longueur, bah pour moi, c'est. Non. Ah non, toi, c'est pas dans la longueur, d'accord. Je pensais que c'était en lamelle dans la longueur. Non, c'est plus en lamelle. Mais en. D'accord. Oui, comme un saucisson. Comme tu me l'as découpé, celui-là, tu vois. Oui, d'accord. Voilà, c'est comme ça que j'aime qu'on me coupe. D'accord. Et qu'on ne te parle pas de ceux qui le font dans l'autre sens, ça c'est. Ah non, mais là... pour moi, c'est... après c'est compliqué de juger, tu vois. C'est si une tu erreur. Préfères comme ça. On n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur les tête. Couleurs. Exactement, tu vois. C'est les pizzas hawaïennes, est-ce qu'on va juger les gars qui mettent de l'ananas dessus ben non, chacun ses goûts. Pas forcément, pas forcément. Alors on va passer au Dali Quiz. Oh, Dali Quiz. Et d'ailleurs, pour le Dali Quiz. Oh, il a fait une petite musique. J'aimerais remercier Jonathan, parce que grâce à Jonathan, on a la chanson du générique de fin. De Dali, je remercie Quentin Dupieux aussi. Bah ouais. Parce qu'il s'agit quand même, c'était un peu une surprise pour le générique, mais pour le Floodcast, ils ont dit d'accord. Parce que c'est Vianney qui enregistre la chanson de fin du film Dali. Ouais. Et on... Dali, Daloche, j'ai la dalle, j'ai la Daloche. Alors, c'est pas aussi bien. Non, mais on va se l'écouter. C'est pas ce qu'il fait. On va se l'écouter. Salut, c'est Dali, Salvador de mon prénom. Voici ma philosophie surréaliste et ma religion. J'ai plein de visages différents dans le film que vous venez de voir. Je suis un génie le plus grand. Ma moustache est trop bizarre. Les autres artistes me volent, mais je vaux bien plus qu'eux. C'est vrai que ma montre est molle, c'est l'inverse de ma queue. Je suis Dali, je suis Dali. Fais mon reportage. Je suis Dali, je suis Dali. J'aime trop le chocolat l'envers. Je suis Dali, je suis Dali. Picasso, t'es un gros nul. Picasso, je t'emmerde, la la la. Picasso, t'es une voiture, la la la. Alors va chier, Picasso. Voilà, merci, merci Jonathan. Picasso, t'es une voiture. Merci Quentin Dupieux. Picasso, c'est... Voilà, donc c'est la chanson du générique de fin. C'est un peu comme Will Smith quand il faisait la chanson de Wild Wild West. Mais tu vois le pied de nez qu'il fait avec cette chanson du pied, tu vois, c'est là où il prend encore tout le monde. Insaisissable. Après, il a commencé dans la musique. Mais de là à se dire, tiens, je vais faire ce type de musique avec Vianney. un peu Eurodance, un peu truc. Ouais, vachement ouais. dans l'air du temps, au final. Ouais, ouais. Non, mais c'est... Il me dit, mais il est fou, quoi. Il est il est barré. On commence très facile. Oui. Alors, on va voir si Adrien l'a, toi, je suis sûr Picasso, que tu l'as. T'es une voiture. Ouais. Me reste. Picasso, t'es une voiture. Là, là, là. Il l'a bien tué, là. Pour quelle marque Salvador Dali a-t-il créé le logo? Est-ce qu'Adrien le sait? Je pense que toi, tu le sais, Jonathan. Oui, il n'a pas l'air. Max se montre. J'allais dire Rolex. Ah non, pas du tout. Non. Enfin, peut-être, mais c'est pas la Il y a un bluff dans son regard. Vous savez pas la vidéo. Il y a un faux aplomb dans le regard qui est terrible. Parce qu'il y a une marque de montre qui s'appelle Dali. Ah oui. Et où il y a le logo. Le logo de Dali. Le logo de Dali. Montre Dali, tu vas voir. Bah, y a, du coup, il y a les montres molles. Mais... Elles sont molles. Oui, mais c'est ça bien, bien molles. Oh. Oh là là. Alors non, c'est pas ça que je vous demande. Alors attends, il a fait un logo. C'est vraiment un logo. Je parle d'un logo d'une marque connue qui est toujours le même logo aujourd'hui. Et attends, c'est un dessin ou c'est Perrier, une écriture Perrier, pas Lanvin. Lanvin, c'est vrai qu'il a fait une pub pour Lanvin. Fait... C'est fou, c'est ça que l'on a fait. Est-ce que c'est un logo genre un dessin ou un logo, un texte? Tu vois c'est ce que je texte. Veux dire? C'est un texte. C'est son écriture du coup. Oui, mais il y a un petit logo autour, il y a un petit dessin quand même. Donc vraiment, j'ai posé la question. Bah c'est les deux, c'est un texte avec... Mince, dis les deux alors. Ça va. Non mais tu me traînes dans la boue. Non mais du coup... sont propres. Du coup, le texte de la marque, c'est ouais. écrit avec, de sa main. J'imagine, ouais. Ok, d'accord. Donc ça doit être un truc un petit peu. Ah oui, donc, bah. Faut penser, imaginer quelle marque a un truc, un logo un peu écrit à la main, quoi. Vous pouvez poser des questions. Citroën. Peu. Pas Citroën. Voiture. Non, ça c'est Picasso. Mais voiture. Non, pas voiture. Ah bah là on me dit pas Citroën. Mais comme non, ça, mais... le mec quand tout le monde t'engueule. Mais non, mais ça doit être un peu écrit à la main. Oui. Tu vois, genre, ça j'ai pas d'exemple du tout. Bah, si, ouais. Genre du pareil au même. Non, pas du tout d'ailleurs. Pas du tout. Pas non, une seule attends, seconde. Il a fait Maxime ou un truc, un restaurant avec l'écriture. Ah, peut-être, mais c'est pas ça. Ça te dit quelque chose? Non, mais Maxime, c'est écrit à la main. Ça oui, fait, donc, c'est écrit voilà. à la main. Donc très bon exemple. T'es non, top. c'est pas lui. Non, mais tu vois, ouais. Okay. Maxime, c'est l'humoriste Maxime qui a fait oui, ça. Bien sûr, oui, bien on parle de lui. T'as des baskets, t'as pas de baskets, tu rentres pas, j'ai pas des baskets. Bon, est-ce que c'est. Les coups d'humour. Des vêtements. Non, c'est pas des vêtements. C'est de l'alcool. Produit de luxe, un peu. Pas de luxe, pas du tout. Ah non, mais. Là, tu peux en acheter pour 1 euro. Des briquets, Bic. Bah, des briquets, pas Bic. Mais enfin, Bic. C'est pas du tout écrit à la main, Bic. Jojo, Jo Cocktail. Avant, oui. Avant. Okay. Okay. C'est écrit à la main, ça prenait juste. Je suis fou de Bic. Les briquets. Oula, attention, là, l'accent il est parti vite. Ouais, là, t'es au Mexique. Ouais, voilà. Au Mexico. Ah, Mexico. J'ai pas bossé, par contre, pardon. Hein. oui, alors attends. Pas vêtements. Bouffe. Euro. De la bouffe. Oh. Waouh. Un euro. De la bouffe à 1 euro. Des bonbons. On s'approche. Haribo. Non. Haribo. Oh là, non. Jonathan. Des chocolats. Pas des chocolats. Haribo n'était plus proche. Non. Ah. C'est des bonbons donc. Pas des bonbons vraiment. Des pastilles pour la. Pas des pastilles. Des gâteaux. Pas des gâteaux. Oh, Ali gâteau. Ouais. Attends. Pour nos amis japonais. Gâteau Kozaimasu. Oui. Wagi. Il a éternué. Oui, vous voulez être discret. Attends, on est proche avec des bonbons. C'est pas exactement des bonbons. Ah, c'est pas vraiment des bonbons. Oh, putain, des pastilles. Ah, vous êtes pas loin, non, pas des pastilles. Du sucre. C'est très sucré. Des c'est tic-tac. Un truc. Ah, c'est une boisson sucrée. Pas une boisson, ça se mange. Bah, qu'est-ce que c'est que ce soda? C'est de la gomme. Pas de la gomme. Le regard de. Gomme. Le regard de Jonathan devient de plus en plus agressif. Mais oui, on a envie de te taper violemment avec le micro, je te le dis, tu nous énerves. Pas des bonbons. Pas des bonbons. Pas les chewing-gums. Non, ça se mange, j'ai la réponse. Moi je la connais. Donc attends, c'est. En vrai, c'est de la j'avais nourriture. La réponse avant de faire le quiz. Je le savais. Te le raconte. Parce que ma mère est fan de Dalida. D'ailleurs, je suis ravi que ma mère va aller voir le film. Non, de Dalida, toi. Ah oui, pardon, c'est pas Dalida. C'est le 2. C'est pas Dalida. Dali 2. Dali 2. Dali 2. Il y a Ala 2 et il y a Dali 2 aussi. Dali 2. Et pareil, c'est Black M qui fait la musique de fin. Oh, Dali 2. T'as repris la mélodie du truc qu'on vient d'entendre. Bah oui. Un peu Black M. C'est vrai que c'est un peu Black M. Un petit indice ? Non. Oui. Non, ah, non, non, non, non, non, indice, non, non, un indice. Bon, moi, bah, c'est l'invité qui décide. C'est un peu comme un bonbon, mais pour pas se salir les mains. Bon, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun parce sens. Parce que ça se lèche et ça se croque. Mais ça, c'est une sucette. Ah, Choupa Choupi. Enfin, oui. Alors, pas du tout écrit à la main. Choupa Choupi. Le logo, c'est écrit. Oh là là, il a pris. Oh la vache. Oh non, il est dans le système. Ils sont sur smartphone. Choupa Choups, assis à une terrasse de café, Dali a griffonné sur un vieux journal le logo que nous connaissons tous. Il a également suggéré de placer le logo sur le devant de la statuette plutôt que sur le côté. En effet, cet emplacement stratégique permettait de mettre le logo plus en avant. Et plus de 50 ans plus tard, le logo n'a quasiment pas changé. C'est écrit à la main, ça? Bah, oui, un peu. Ça a été fait par les designers. Mais non, mais ça. Mais maintenant, aujourd'hui. Allez. Non, mais. On parle pas de la même chose. Pardon, désolé. Non, mais là, là on l'a perdu pour la fin de l'émission. C'est une police de caractère de type script. Aujourd'hui. Mais on, à l'époque. Tu vois, moi, je pensais que c'était un truc un peu irrégulier, genre comme si vraiment c'était écrit j'avoue, de sa main. J'avoue que. C'était ça la question. J'avoue que moi, j'étais sur Maxime Plus, les trucs et comme voilà. Ça écrits à la main. Vous auriez trouvé. Oui. Oh, ah oui. Ah oui. Ah oui. Si tu nous aurais dit si c'est une police. Vous auriez fait bah, c'est Choupa Choups. Style calligraphie, j'aurais dit bah oui, Choupa Choups. On la voit très bien, celle-là. Bien sûr. Alejandro Jodorowsky. Oui. Vous voyez ce qu'il sait, il voulait faire un film sur Dune. Oui. C'est le mec qui faisait de la BD avant. Oui, oui, bien sûr. Et il avait sollicité Dali pour jouer le rôle de l'empereur Shaddam IV. Oui. Mais qu'avait exigé Dali pour jouer dans ce film qui ne s'est jamais fait? Ah, ça me dit quelque chose, putain. Il a exigé plusieurs trucs. Alors, est-ce qu'il y a des trucs très évidents comme des trucs. Bah, c'est Dali, donc c'est n'importe quoi. Ah, le est-ce qu'il y a des trucs de bouffe? Genre, il voulait. Pas de bouffe. Des insectes grillés. Non. Okay. Ah, bah. Alors, je peux dire, celui-là, je vous le trouverai jamais, donc je peux vous le dire. Il voulait que son personnage ait une girafe en flamme, par exemple. En flamme ? Enflammée, une girafe avec des flammes. Oui, mais c'est pas le seul film. C'est pas le seul film où il avait demandé ça. Non. Dans les ch'tis. J'allais dire dans Podium. J'ai dit, moi je fais Claude François, mais. Ouais, je veux une girafe. Je veux une girafe enflammée. T'as fait un peu de Johnny, un peu. Ouais, ouais, c'est Claude François, gars. J'ai pas fait le bridge. Je veux une girafe. Écoute, j'aimerais bien une girafe, si c'est possible en feu. Ah, venez, on fait les imitations. Oh, mais oui, non, mais. Ah oui, bah, écoute, attends. Dans un des podcasts, tu disais, on fait plus assez de blagues. Là, si on peut dire qu'on fait plus assez d'imitations. En fait, Johnny, là, juste pour l'avoir. Écoute, je trouve ça formidable, mais. Je trouvais ça formidable si on avait une girafe, si c'est possible en feu. Mais il est un peu mutin, ton Johnny. Il est mutin, il est mutique, puis. Puis il aime bien ça, surtout. Il aime bien ça. Et quand il éternue, ça fait quoi? Pardon, j'ai éternué. Et puis, on en parle pas assez, mais c'est vrai que j'ai un certain goût pour les sports de combat. Moi, j'ai pratiqué le karaté à haut niveau. J'étais ceinture marron. J'ai jamais passé la noire parce que j'ai pas eu le temps. Et puis, j'ai eu la moto. J'ai eu la passion de la moto qui a pris le dessus sur les ceintures et sur les katas. Et du coup voilà, mais j'adore. Et ah ça, là. Ce n'est pas une IA. Ce n'est pas une IA, c'est un défi. Je et c'est pas pour un rôle. Ah non, c'est gratos. Ah non. Écoute. C'est mais... Jojo, c'est Jojo qui met Jojo. C'est, oh là c'est là. Johnny. Mais d'ailleurs, c'est ton spectacle. Jojo fait Jojo. Ouais, Jojo fait Jojo. Le... Tu fais petit Jojo fait grand Jojo. Oh là là. Oh, oh, magnifique. Toujours à se réduire, lui. Et confiance en toi, merde. Confiance en toi, putain. Donc, il voulait aussi que son personnage ait un hélicoptère. Je vous le dis. Attends, que le personnage ou lui? Ah, lui, le personnage, pardon. Le personnage, ah, pardon. Personnage et un hélicoptère. Oui, et après, les autres trucs, c'est des trucs que lui demande et que des acteurs peuvent demander. Mais c'est Dali, donc c'est. Alors, c'est un salaire de mirobolant, voilà, de plusieurs millions. Alors, il voulait être l'acteur tout simplement le mieux payé de tout le film. D'Hollywood. Ah, d'Hollywood. De l'histoire, genre. De l'histoire d'Hollywood. Ah, il a oui. dit je veux être payé 100 000 dollars par heure. Ok. Quel génie. C'est beaucoup. Il voulait vraiment pas faire le film. Oui, c'est ça qui est exceptionnel. Et le producteur français trouve alors une passe. C'était un français, le producteur. Il demande à Jodorowsky mais combien de minutes Dali doit apparaître à l'écran. Et Jodorowsky dit franchement, 5 grand max, probablement 3. Donc, c'est doux. Enfin, le producteur de l'époque dit eh ben. Tu sais quoi, je vais te payer 100 000 dollars la minute, carrément. Et donc, wow. Lui, il était genre, oh là là, 100 000 dollars la minute, c'est trop fort, c'est trop fort. Et du coup, il voulait le payer 300 000 dollars pour. Voilà, sachant que c'est pas si énorme pour Salvador Dali. Mais attends, il a bien niqué. Il a niqué Dali. Mais bon, le film, c'est pas fait. Donc, parce qu'il voulait. Être, c'est la minute à l'écran ou ouais. la minute. Ouais, l'écran. Il ah, l'a niqué comme okay. ça en disant. Ok, d'accord, je crois tu sais quoi, tu veux te payer 100 000 dollars. Moi, je te paye 100 000 la minute. Et donc, Dali, il a dit, oh là là, c'est un grand oui. Et donc, du coup, il a dit oui. Et enfin, le dernier truc, alors, ça concerne son personnage. Est-ce que c'était une. Il jouait un empereur. Il voulait être habillé en or exclusivement. Non, mais on est sur une matière qu'il voulait pour quelque chose de sa alors, cour. Nubuck. De sa non. cour, tu dis? Ouais, enfin de son palais, quoi. Du marbre partout. Non, pas du marbre, c'est Dali, c'est un peu plus foufou. C'est du fromage. Ah oui, du fromage. Non, pas non. Du fromage. Est-ce que c'est genre son palais devait être fabriqué dans une certaine matière. Exactement. Mais d'habitude on fabrique pas des palais avec. Normalement on fait pas ça. Du polystyrène. Mon dieu. Écoute, excuse-nous Dali, hein. Voilà. Là où t'es, tu dois bien te retourner. Mais bon, tu dois nous laisses aussi pas mal de choses, hein, de petites croustilles, hein, que t'as faites. Ou molle. Fou, soit croustillant, soit mou. C'est les deux. Mou, j'ai préféré le mou. C'est son trône. Je m'entraîne. Son trône, mais je l'ai dit. Oui, mais son trône en quoi? Ah, mais donc pas le palais. Non, c'est genre son palais, j'ai dit. Non, mais après j'ai dit, il veut que son palais soit fabriqué d'une certaine matière. Tu m'as dit oui. Ah pardon, j'ai pas. Non, mais tu es très fatigué. On rappelle que tu as dormi. Hein, je n'ai pas dormi. Moi aussi, j'ai fait une insomnie. Ça m'empêche pas d'être au taquet. D'accord. Il voulait un trône en bubblegum. Un trône en quoi, Johnny? Écoutez, je connais bien Dali parce que j'ai été dans sa chambre une fois et puis je sais qu'il avait, je sais qu'il avait une grande affinité avec. Tu gagnes du temps là. Il sent jamais ça. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Je sais qu'il adorait le tarama. Pour moi, je vois 4 heures dans tarama. Après, je peux me tromper parce que Dali était fou, il était fantasque. Alors, pas loin, Johnny. Du chocolat. Non. Ah, merde. C'est un aliment. À la merde. Très bonne réponse. Oui. Il voulait un j'osais trône. J'osais pas le dire depuis une heure. Il voulait un trône en forme de merde avec la texture de la merde en fait. Il voulait un trône en merde. Mais donc qu'est-ce que c'est possible. Voilà. Et donc, Jodorowsky a dit oh bah, c'est fort de café. Ouais. C'est vraiment, ça. Il faut revoir toute la DA pour un acteur. Ouais. Mais après, il le voulait vraiment. Ça aurait été très stylé. C'était Je vous invite à regarder le documentaire. Bon, ça dit, il l'a pas fait le Dune au final. Le film, c'est pas fait. Mais je vous invite à regarder Jodorowsky's Dune, qui est le documentaire sur le making of. Jokowski. C'est ton prochain film, je crois. Jokowski. Jokowski avec des dunes. Ouais, voilà, les dunes du pirate. Ouais, parce que c'est le ski dans le sable. Là. C'est là le twist du film. Tu te dis, bah attends, il va à la neige, pas du tout. Du ski extrême. Mais c'est Joko. Sur les dunes. Oh merde. Sarah. Des dunes en merde. Touche chousse. 2025. Oh là, tout ce travail là. Moi, c'est ce que j'aime dans les musiques de dunes. Ah bah ouais. C'est très fort. Très fort. Dansons la musique. C'est quoi la proposition la plus absurde que vous ayez eue dans votre carrière d'acteur? Alors pas forcément récent, je vous demande pas des name drops, mais des trucs où même quand vous avez commencé, vous avez vu. Bah moi on en a parlé hier, mais moi j'ai un truc que je peux pas. Tu dois parler un jour. On peut donner un mot clé. Chien. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Ah, t'as été dog sitter. Non, rôle, je parle. Ah, t'as joué un chien. Non. On lui a proposé un truc en rapport avec les chiens, mais non, disons je pas. Je peux pas. Un jour, on en parlera quand ce sera derrière moi. Peut-être le roi. Il joue un chien. Peut-être. Non, pas mal. Ah, faut aller voir le film pour le voir. Voilà. Putain, ça sort quand? Le 10 avril. C'est dans longtemps, hélas. C'est pas si longtemps. Non, ça arrive à grands pas. Hein. Ouais, ça va vite. Hein. Oh, ça va très très vite. Hein. D'ailleurs, avril, c'est le mois de mon anniversaire. Le meilleur cadeau à me faire, c'est d'aller voir Ah bah super, putain, j'ai hâte de le voir. Bah, j'ai hâte de te le montrer. On parle de trône. Ouais, tu dis que t'as hâte. À chaque fois, je te dis, tu vas pas me faire voir, tu vas non, pas me faire mais voir. Tu veux non, un lien. Je vais pas te le montrer comme ça. Tu veux un lien URL, celui-là. Mais ce que je veux, c'est ce que je veux, moi. Tu viendras à l'avant-première, Jojo. Non, il le verra avant. J'aimerais le voir avant l'avant-première. Non. Il est dur. Un mur, ce mec. Adrien Murniel. Bon, oui. Putain, ça va vite. Hein. Je suis bien. Moi, j'adore. T'as joué un alien pour une pub pour shampoing. Oui, voilà. C'est vrai. Entièrement pas en bleu. Pas en bleu, le gars. Moi, Comme un. Comment il s'appelle? Les navis. Ouais, c'est Avatar. Ouais. T'étais un navire dans Avatar. Tout bonnement Avatar. Et à l'époque, j'avais des cheveux, ils m'avaient mis un faux crâne. Aujourd'hui, que de temps gagné. C'est vrai. Si tu veux le refaire là. Bon là, un petit coup de tondeuse. Ciao. Moi, j'ai fait une pub pour une chaîne féminine. C'est pas Teva, mais c'était un truc. June. June. Comme ça. June TV. Et du coup, j'étais genre comme si j'étais une meuf, un mec qui traîne qu'avec des meufs, mais comme si j'étais pour regarder June TV. D'accord, donc t'étais genre. Genre t'es là, j'ai une robe en talon, truc. Pas mal. À un moment donné, ouais. Un peu foufou. Mais attends, c'est les trucs qu'on nous a proposés, donc pas forcément qu'on a fait. Oui, ça peut être des trucs que vous avez pas fait aussi. Ah non, c'est moi, je l'ai fait. Hein. Ouais. C'était il y a 12-13 ans. Mais ceci dit, toi, Jonathan, tu t'es retrouvé un petit peu dans les trucs inverses. Comment, quand on fait La Flamme, par exemple, comment tu vas voir Adèle Exarchopoulos en disant tu vas faire un singe ou des choses comme ça, parce que c'est complètement fou de proposer ça. C'est... Ouais, mais en vrai, tu vas le voir très simplement. Hein. Tu la connaissais d'avant, par exemple? Je la connaissais un peu grâce à Leïla. Ouais. Non, mais en fait, j'ai... très simplement, et en vrai, je pense que ça fait kiffer les gens de dire bah, alors, tu joues une meuf qui a un cœur de singe. Je pense que rien que l'idée énumérée, déjà tout de suite, c'est un, potentiellement un oui. Ouais. Ça la sort de ok, donc elle a été, elle travaille à la RATP. ça lui change un peu de son quotidien de scénario, de films qui sont très, très la vie, très sociétale, très tout ça. Ce qui rejoint un peu Dupieux d'ailleurs. Et en vrai, ça, c'est un peu comme une bouffée d'oxygène. Moi, j'ai remarqué que chez les comédiens, quand même, l'envie de faire des choses. Un peu hors norme, un peu soit très débile mais maîtrisé, ou soit dans des univers totalement fantasques, ça les fait kiffer. Ouais. Parce que voilà, je pense que les acteurs rêvent de ça, fantasment sur ça énormément. Et vu que là en l'occurrence c'est la comédie, vu que la comédie est un des genres les plus populaires, tous ces gens-là, moi je me souviens d'Adèle Haenel, je ne l'ai pas beaucoup croisé, mais on avait parlé de Jim Carrey, genre elle était giga fan de Jim Carrey, mais donc forcément. Mais comme des milliards de gens dont on peut pas, tu vois, qui font des drames et qui sont fous de comédie. Regarde Cédric Kahn, fou de comédie, voilà, qui a fait Making of et tout, il a fait sa comédie lui, mais il est fan de comédie. Il fait le procès Goldman, il a fait pas beaucoup de films rigolos, tu vois. Mais c'est. Mais je suis d'accord, enfin, moi, dans ma toute petite expérience, c'est Charlotte Gainsbourg, j'ai senti que c'était ça. C'est qu'il y avait un truc de. Ah, il y a un autre. Enfin, il y a un truc très blague qu'on propose pas trop, et elle est que dans ces trucs-là. Mais les gens sont quand elle fait Lars von Trier, c'est vraiment des propales folles qu'on lui propose pas tous les jours, et c'est pour ça qu'elle y va. Elle a fait des trucs fous, c'est même inimaginable ce qu'elle a pu faire. Mais tu sais que c'est même désinhibant, ça. C'est qu'à un moment, tu te dis, en fait, ça me va de lui donner des directions et de lui faire tester des blagues très connes, parce qu'on lui a demandé des trucs tellement fous par le passé, que ça permet de, tu sais, ça te fout moins le stress, quoi. Vous avez vu là, Saltburn? Pas encore. Moi j'ai vu. Ouais. C'est fou ce qu'il a demandé à l'acteur, la réalisatrice qu'elle a demandé à l'acteur de faire. Ouais. Tu vois cette baignoire là, tu... Attends, me spoil pas. Tu vas me lécher le trou de la baignoire là, le siphon. Tu me le lèches. Allez. Et le mec il a dit ok à tout. Il a dit grave. Après il était presque trop content de le faire. Mais tu sens, en fait, c'est ça, il est très content de faire. Tu as baisé la terre là. Oh. Vois, là, Ah bah d'accord. Je le fais, aucun problème. Tu me laisses 10 minutes. Tant que j'enlève tout. Et action. Viens faire de la terre. Oh, tu me plais. Oh, petit lapin. Oh, y a un lapin sous la terre. Lapin. Oh, lapinou. Oh, lapinou. Oh, le twist. Le twist fou. J'ai une dernière question. Sur Dali. Sur Dali. Et après, on passera aux recommandations culturelles. De qui Salvador Dali pense être la réincarnation? Ça, c'est assez fou, c'est son histoire. Alors, de Rasputin. Ouais. Alors, c'est pas une célébrité, c'est dans son entourage. Ah, de son père. Ah, de son frère. Alors, son frère. Son frère est mort parce que son frère est décédé, et son frère s'appelait Salvador aussi. Exactement. Et du coup, ils l'ont. En fait, surtout, c'était son frère aîné. Du coup, ils ont appelé Salvador. Et lui, ça a totalement changé et bouleversé sa vie, dans le sens où il a après tout fait pour s'extirper de ce poids, de cette valise qui était la mort de son frère. C'est pour ça qu'il est. On devait dire que Dali est devenu un peu comme ça, un peu fou. C'est ce qu'il dit dans son bouquin. Mis dans une case. C'est ça, il dit toutes les excentricités que je commets, que je commets, toutes mes incohérences sont la marque de ma vie. Je veux me prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant. Et bien le livre. Et c'est assez beau. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en fait, il est né 9 mois après la mort. Il a été refait très très vite. Et c'est vraiment, ça a été le bouleversement. Et c'est pour ça qu'en vrai, tu vois, ce mec, il a. En vrai, sa plus grande œuvre, c'est lui-même. Oui. Mais il le dit lui-même. Hein. Il dit, moi, mes peintures sont très médiocres. Mais, ma plus belle. Mais je suis un génie. Non, mais en gros, oui, c'est un génie. Mais en fait, c'était un mec. Mais c'est un perso, de toute façon. C'est... Oui, voilà. C'est un happening. Il se lève le matin, il met son costume de Dali, il va au taf. Ouais. Mais ces interviews, je vous jure, elles sont. C'est très cool. Ah, c'est ça que j'adore sur les biopics, enfin, c'est moins un biopic ce que vous faites, c'est plus barré, mais c'est ce que j'adore, c'est qu'après ça te donne envie de plonger dans l'artiste, parce qu'effectivement un film c'est toujours un résumé ou une vision. Ouais, bien et sûr. C'est trop bien après de fouiller. Là, tout ça, ne serait-ce qu'en préparant l'interview, j'ai maté des interviews de Dali et c'est vrai que gars est fascinant. Il est fascinant. Ouais. Je déteste les enfants, ce que je déteste le plus c'est les dessins des enfants. Ça c'est une vraie phrase de lui. C'est une vraie phrase de lui, gars, qui dit il déteste les enfants. Mais le pire c'est les dessins des enfants. C'est horrible, que tout le monde dit c'est beau, c'est la merde. Et est-ce que vous êtes sensible à la peinture? Moi j'ai toujours eu une petite frustration culturel presque de j'ai pas de connaissances et puis même quand je vais dans un musée ça me parle pas. Toi tu peux être sensible parce que toi pour le coup tu dessines Adrien aussi. Oui oui, bah je suis pas du tout érudit en non mais en sensible question, mais sensible ouais bah oui, ouais. Oui, oui oui. Tu peux être devant une toile et après oui, moi oui. ce qui me fait chier attention attention c'est moins pire attention, que Joe, ce que vous fait pensez. Joe okay, fait du ski là. Joe fait du ski. Il va faire des non, en vrai, parfois, quand tu vas voir des œuvres et tout, il y a comme un mode d'emploi avant de comprendre ou de recevoir le. Ça, c'est ce qui m'embête le plus. Ouais. Parfois, quand. En vrai, j'ai l'impression, mais parce que c'est très primaire, c'est lié au sens quand même, les yeux, le regard, il y a quelque chose qui. Et quand tu vas dans des musées voir des toiles, des peintures de maîtres, des choses comme ça, il y a quelque chose qui te parvient, qui a une force un peu inexplicable, qui te touche, tu vois, et c'est à ça qu'il faut faire confiance. Quand effectivement, il y a tout un process avant de recevoir ou de, tu vois, ou même de sentir, je trouve ça. Après, je respecte. Hein, parce oui, que bien sûr, mais c'est une autre façon. Ça suit, voilà, une technique et. Mais c'est vrai que moi, ça parvient ou ça parvient pas. Il y a plein de portes d'entrée intéressantes. Bien sûr. Moi, c'est vrai que sûr. J'ai toujours eu un truc de. Mais si vous êtes une mouche, ça reste le trou de balle la plus. Voilà. La plus, quelle meilleure façon de conclure quasiment cet épisode. On va passer aux recommandations culturelles. Des trucs que vous avez aimés culturellement parlant. Alors, c'est pas forcément des trucs récents. Hein, c'est pas des trucs qui datent, mais que vous avez consommés récemment. Jonathan, est-ce que tu as quelque chose en tête? Ça peut être un film, une série, un documentaire, un bouquin, plein de choses. Non, rien. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, j'ai vu. Saltburn, t'as vu? J'ai vu Saltburn. Alors, c'est très marrant, Saltburn. Parce qu'il y a plein de gens qui vraiment disent oh, c'est une merde, ces trucs. Ouais, c'est clivant. C'est gratos. Ouais, c'est très polarisant. C'est très clivant, c'est très polarisant. Moi, je trouvais que je trouvais que ça fait du bien de voir des films très extrêmes, en fait. Comme ça, dans une époque comme la nôtre. Où après c'est un film qui est on va dire elle essaie de retranscrire les années de tu vois 2007 les années 2000 donc c'est une mentalité une DA très particulière ça je trouve que c'est une réussite et en tout cas c'est au-delà de j'ai trouvé ça super ou pas mais il m'a fait du bien cet endroit de pas de trash ou de trucs mais d'extrême tu vois bien sûr et puis les plans sont très léchés exactement j'adore moi la DA de ce film et je trouve que les acteurs sont quand même ouf Coogan très très fortiche, il va très très loin et même Jacob Elordi franchement super, enfin tous les acteurs sont formidables et j'ai adoré l'endroit de subversif de je trouve que ça fait du bien. Mais moi c'est marrant, je vais rebondir tel une balle hein, sur ta recommandation parce que moi je parlais de Poor Things et ça m'a fait un peu ça, c'est-à-dire que c'est pas un film que j'ai adoré de bout en bout, j'ai décroché ça et là, mais en fait je suis tellement content de la propale, je trouve ça tout le monde pareil en termes de jeu, c'est complètement dingue et Emma Stone et tout, enfin c'est incroyable. Et c'est tellement flingué et bizarre que d'un coup tu te dis putain ça me sort. Enfin c'est quand même un peu le truc du cinéma non, aussi. Non mais ça te sort de mon quotidien. De la manière de raconter une histoire en c'est fait. C'est ça. Et ça je trouve ça incroyable, admirable. Impossible de savoir ce qui va se passer. Enfin tu vois tous ces trucs là où tu te dis putain je sais pas où ça peut aller ce film. Tu sais, c'est assez plaisant. Voilà je me dis mais trouve que c'est je trouve que vraiment c'est exceptionnel et que cet endroit là c'est l'endroit de l'art tu vois et c'est ce que fait Dupieux ce que tu vois, c'est... Tu vois, il y a The Curse. Vous l'avez vu, The Curse? Non, mais pas que c'est mortel. Nathan Fielder? Ouais, c'est moi, je suis fan de Nathan Fielder, tu vois. J'adorais son truc, là, sur les téléréalités. C'était bien sûr. Nathan, c'était quoi, déjà? Nathan For You. Nathan For You, exceptionnel. Ouais. Mais... Et tu vois, il fait ça avec un des frères Safdie, donc Benny Safdie. Man, c'est que c'est... c'est et génial, et en même temps, genre, d'un niveau de awkward. Ouais. Mais trop. Ouais, là t'as décroché. C'est, en vrai, dès le premier épisode, j'ai pas pu regarder le deuxième. Il m'a mis trop mal en fait. Le premier épisode, je peux pas. J'adore tout, j'ai envie de savoir, mais je peux pas en fait. Ouais. Tu m'en, ça coûte trop cher en fait. Je vois ce que tu veux dire. Mon humeur en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Mais c'est fou, la propale est folle. C'est fou que ça existe, c'est fou. Mais c'est fou que ça existe, produit par Aman 4 comme d'hab, toujours sur le coup. Et puis surtout, mec. Mais l'endroit de malaise, il est max. J'ose pas y aller, c'est fou quand même. Mais je comprends. Enfin, je suis grand. Je suis pas un gros bébé. Mais c'est un endroit de malaise. C'est un endroit de malaise qui est dingue à voir. Et en même temps, tu fais. C'est comme le mec là, qui avait fait Beau is Afraid. Ouais. Ah putain, les gars. Ouais. C'est Midsommar, les trucs comme ça. C'est trop pour moi. C'est cauchemardesque. Ouais. Tu vois, il y a des images qui te restent à la fin. Tu dis, bon, écoute, super, t'as fait ton job, tu m'as bien niqué mon cerveau, mais tu m'as un peu niqué ma life aussi. Parce que là, tu vois, c'est stop. Je vois ce que tu veux dire. Adrien, toi, t'as une petite propale, un petit truc. Oh, il a rien. Putain, j'ai un rien. Un petit jeu indé, merde. Expo sur une mouche. Non, mais attendez, tu peux inventer. J'étais en festival, moi. C'est vrai. C'est vrai qu'il est en festival. Il a enchaîné l'Alpe d'Huez. Gérard, non, le truc. Ah, celui-là. Non. Je suis à deux doigts. Je pense que je vais faire ça. Attends, je regarde si j'ai pas vu un petit. T'as vu que des courts-métrages, Gérard May, ou t'as eu le temps de voir un petit movie quand même? Tu l'as vu, Gérard, ou pas? Gérard May, ouais, j'ai vu, ouais. Top. Le mec s'appelle Gérard May. Ouais. C'est le frère de Mathilde Lamet. Oui, exactement. Bah voilà, c'est une grande famille, les Mets. Les Mets. Il y a Benjamin II May. Ah voilà, faut connaître. Hein. Ouais. Ça commence fort. Le producteur du film de Maxime Gasteuil. Bien sûr, Certains jours pour aller mieux, qui était à l'Alpe d'Huez, tout se recoupe. On est voilà, chez le barbier. Tout à fait. Je suis en train de gagner du temps pour voir. Les gens le sentent pas, je pense. Non, il n'y a aucun problème. Les gens, là, ça sera coupé. Hein, je fais ma petite vie, je suis là. Hop, ça sera coupé. Hop, le couteau. Je il coupe. Prend un couteau. Oh là là, j'en attends couteau. Il faut tout faire. Allez. Bon, écoute, j'ai rien. Il a rien vu. Il a rien vu. Je vais en festoche. Hein, quand tu es en festoche, t'as le droit. Non, mais alors. Je vais replacer une reco que j'avais déjà faite il y a longtemps, qui est le podcast Heavyweight. Ok. En gros, le principe, pour faire très court, c'est un mec qui. Il y a des gens qui ont un mystère ou un truc à résoudre ou à retrouver dans leur vie, mais un truc très intime. C'est-à-dire que ça ne concerne qu'eux. Mm-hmm. C'est pas du tout. C'est pas du tout un mystère qui préoccupe la terre entière. C'est vraiment, ça ne préoccupe que la personne qui va faire appel à lui, ou alors lui fait, enfin lui les connaît personnellement, etc. Par exemple, le meilleur, enfin l'exemple que je dis tout le temps, c'est il y a un gars, un pote à lui qui est acteur, et il dit, mec, je suis persuadé que je me suis cassé le bras quand j'étais petit. Ouais. Mais toute ma famille me dit, mais mec, t'es n'importe quoi, tu t'es jamais cassé le bras. Et lui, il dit, mais si, je suis sûr de me souvenir de moi avec un plâtre et tout, mais sauf qu'il y a zéro photo, il n'y a rien. Et toute ma famille, mes frères, mes sœurs, mes parents, me disent, gars, t'es fou, tu t'es jamais cassé le bras. Et du coup, il dit, mais enquête pour savoir si oui ou non je me suis cassé le bras, quoi. Et c'est des trucs comme ça. Il y a des trucs plus graves, genre. Quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui a envie de retrouver la personne avec qui il a eu l'accident et pour lui parler et tout, donc il y a des trucs beaucoup plus pesants et tout ça, mais c'est toujours fait avec beaucoup de pudeur et de légèreté par le mec qui fait le Jonathan Goldstein qui s'appelle. Ouais. Encore un Jonathan, hop là, tout se recoupe. Il va pas me voler mes Jonathan cocktails. Non, t'inquiète pas, ça c'est, je les ai déposés super. À l'INPI pendant l'émission. Et non, c'est super. Et en fait, je les réécoute maintenant parce qu'en fait, ils étaient en exclu Spotify pendant même quelques années, je dirais. Donc je les écoutais plus parce que j'utilise pas Spotify pour les podcasts et du coup je les regardais pas. Enfin, je les écoutais pas alors que c'est mon podcast préféré peut-être. Et en gros, là, comme ils ont rompu, ils ont rompu leur accord avec Spotify. Ils sont de nouveau dispo sur toutes les plateformes, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que bon, bonne nouvelle parce que du coup je les réécoute et c'est super et c'est disponible partout. Mauvaise nouvelle, c'est que du coup ça met un peu en jeu l'avenir de ce podcast. Ah oui, là, bien sûr. Parce que s'ils trouvent pas un autre endroit pour exister, ça va peut-être disparaître. Alors les produits, allez là. Donc écoutez ça, parce que du coup s'ils font des vues, ce sera des arguments pour qu'ils continuent. Écoute, moi j'aime beaucoup les podcasts. J'avais fait un podcast une fois, c'était avec Claude François, qui nous a quittés, qui s'appelait « Ils sont où les petits loups ?» Et c'était un podcast rigolo. Animé par Bourville. Non, ils sont où les petits loups ? Et alors j'ai fait une très mauvaise imitation de Bourville. « Il est où mon vélo ?» Vrai que c'est pas terrible. Vous donnez pas beaucoup d'efforts. C'est vrai que c'est pas terrible de nez. Pas c'est de très dur d'imiter Johnny qui vit de Bourville. Il est pas mal low. Ah ouais, ouais, ah, fort, pas mal. Fort, il saute. Il saute au concatu. Oh là, sublime. Ouais, fort, Joe, bravo. Il parle de lui à troisième personne. Il fly. Oh, Joe, bien joué. Moi, j'écoute Smartless. Ah, je connais pas. C'est pas mal. J'adore. Ah, si, c'est le mec avec un mulet là. Non, pas du tout. Non, c'est les trois gars, c'est les acteurs. C'est les gars là. De Aristide Development. Il y a Will Arnett, Jason Batman et Sean Hayes. Batman. Ouais, Batman. C'est lui qui aurait dû le jouer. voilà, mais il s'appelle Batman. Comme ça. Ouais. Mais non, c'est super cool. J'ai écouté, je crois, tous les épisodes. Ouais. Ah, d'accord. Ils ont tous les États-Unis qui font ce podcast. Ouais, Et c'est pas. En fait, ce que j'adore, encore une fois, c'est vraiment des poteaux. Ouais. Des amis de la life et ouais, qui se sont dit. Non, mais en vrai, c'est copié sur nous, je pense. Ouais, c'est copié sur nous. Je pense que oui, ils auraient dû l'écouter au moins deux, trois fois. Le fait que ce soit des acteurs connus, gaulerie, qui font un podcast entre eux et ils accueillent tout le monde, c'est trop bonne ambiance. Et puis c'est marrant parce que vraiment ils se donnaient pas 6 mois sur ce podcast, ils ont dit tiens, ça me fait marrer. Ça fait 4 ans et c'est franchement c'est génial comme podcast. Honnêtement, bah c'est comme nous, c'était un peu ça, on pensait que ça allait pas durer longtemps et puis ça fait bientôt 10 ans. C'est 10 ans le bientôt. En plus, j'avais fait des specials et tout dans des salles, ça c'est exceptionnel. Alors, on a fait des trucs, et puis Floodcast le film là qui arrive avec Taraïm et Alex dans mon rôle, ouais, malheureusement. C'est fou d'avoir mélangé ces deux ces deux cinémas là. Personne l'a fait encore, personne l'a fait. Mais vous faites que des trucs que personne ne fait. Alex Lutz joue nos deux rôles. Ouais. Il est grimé, c'est vrai. Ouais. Et Taraïm joue Aznavour, mais dans le film sur le podcast. Enfin, bon, bref, c'est. Pour dire, allez le voir. Vous allez un peu arrêter de m'imiter dans votre podcast. Chers amis, ça fait longtemps qu'on parle. Jonathan, merci beaucoup d'être venu. Ah ouais, quelle joie. Dali au cinéma mercredi. Sia. Sia, parce que Sidali ou pas du tout. Sidali. Allez, donc Sia, mais pas muet. Ah oui, c'est ça. Allez, un petit twist. Sia, la chanteuse. Allez. Oh là là. Quoi? Mais il cherche quoi, lui? Il cherche la bagarre, je crois. Même en dingue. Dali au cinéma, réalisé par Quentin Dupieux avec Jonathan Cohen, mais aussi Anaïs de Moustier, Pio Marmaille, Pio Marmaille, l'immense Pio Marmaille, Gilles Lelouch, Gilles Lelouch, Jérôme Niel, il y a plein de gens. Monsieur Fraise aussi. Romain Duris, Monsieur Fraise, Philippe Bombin, Hervé Coulard, Thierry Chaise, Brigitte Sassou, Étoine Vélux. Et porte-bagages. Allez, bon, merci tout le monde, au revoir. C'était super, merci. Allez. Jonathan, cocktail, la vie de l'apéro. Et ça, c'est pas un mytho, comme Serge, avec du saucisson en rondelle. Buvez-le comme une sentinelle. Jonathan cocktail, une boisson forte énorme avec un goût léger. Différents arômes vont coexister dans une terrible jungle pour vos premières vacances. Le Jonathan cocktail est dispo dans toute la France. Jonathan cocktail. On fait une avant-première de Noulet le Roi, tout d'abord à Autun et Dijon. Le 26 février, pour nos amis bourguignons, les places sont déjà dispo, lien dans la description. Et pour le reste de la France, on annonce tout la semaine prochaine. Jonathan Cocktail. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.